You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hey! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de Horror Gamer Show numéro 69. Sébastien Bouchard au micro. Et ce soir, j'ai une grosse job de présentation de personnes parce que, tout d'abord, j'ai mes comparses habituels et non, je n'aurai pas de joke pour ceux-ci parce que, regarde, un moment, j'ai pas rien que ça à faire. Mais j'ai quand même Jean-François Tremblay avec moi. Salut Jean-François. Salut. Hey, aussi Steven. Salut Steven. Hey, salut Sébastien. Ça va bien, les gars? Ça va super. Oui, j'ai un petit peu mal à gorge, mais ça va. OK. Hey, à soir, c'est quand même une soirée spéciale parce que c'est la soirée rêve d'enfant. C'est moi l'enfant? Personnes malades. Ils se sont joints à nous parce que leur rêve, c'est de faire partie du podcast L'Horreur Gamer. Et... Ils sont tous heureux, ils sont tous contents. Non, il y en a une qui nous fait signe que non. Ah, oh, OK. T'es pas malade? Ben, malade d'amour pour l'horreur, peut-être. Ah, OK, c'est bon. Mais non, regarde, je pense qu'on ne se doit pas de présentation pour l'événement des 31 jours de ce soir. C'est nos 31 jours d'horreur d'octobre et, comme vous le savez, on avait des invités qui nous ont aidés à bâtir la liste des 31 jours. Film que nous allons écouter pendant nos 31 jours. Et ils sont avec nous pour jaser un peu de cette liste-là. Et je vais y aller en ordre que j'ai sur mon écran. J'ai tout d'abord du podcast Les Oubliettes, M. Simon Predge. Salut Simon. Allô. Ça va bien? Ça va, fatigué, brûlé un peu. Il y a tellement d'affaires à faire en octobre. C'est correct, c'est correct. Ça fait partie. Je pense qu'il n'y a personne ici qui pète le feu à 9h un dimanche soir. Mais pour ceux qui l'ignorent, c'était pour des bonnes causes. Hein. Hier, oui. J'étais dans une église dans Westmount pour la projection de Nosferatu et le cabinet du docteur Caligari en 16 mm avec la musique faite par des musiciens live, dont du theremin, violoncelle, percussion, orgue. C'était débile mental. Et la journée avant, vendredi, donc j'étais au Club Soda pour la projection de Retour vers le futur 3. Gros party western où j'ai fait DJ au Midway. Ben oui. Ouais, très bel habit western. J'ai fait fureur. Mais ouais, fait que j'étais DJ, fait que j'étais pogné là jusqu'à 3h30 du matin. Puis tout ça en travaillant avec une job de jour. Hein, fait que excuse, c'est la seule face que j'ai. C'est bon, c'est bon. Écoute, au pire, il y en a qui vont écouter la version audio, puis ça sera tant mieux pour eux. Hey, ensuite, j'ai du podcast Horror Web, M. Sylvain Démenti. Hey, comment vas-tu, Sylvain? C'est du podcast Horror Web, mais excuse-moi, mais c'est aussi du 7e Démenti. Ben, oui, surtout, parce que là, les autres, ils sont pas là pour le représenter. Mais je suis là avec vous. J'ai vraiment pas une vie aussi intéressante que Simon. Arrête là, démenti, t'es mon meilleur. Ici, au lieu de faire du montage, c'est tout ce que je fais d'intéressant. Je suis content que tu nous aies choisi plutôt que le montage. Je serais un petit peu insulté. On a aussi notre collaboratrice occasionnelle qui est déjà apparue une fois dans le show pour nous faire la critique de Green Room et qui nous a dernièrement pondu une critique sur notre site pour Blair Witch 2016. On a Audrey. Bon, ben là, regarde que t'as aimé ou pas. Regarde. Comment vas-tu, Audrey? Ça va bien. J'ai pris mon temps. J'étais supposée rien faire ce soir. Fait que vous devriez être content que je sois ici. Yeah! Super! Ouais. Super. Et le dernier, celui qui occasionnera peut-être des bips à la censure, tu podcast les oubliettes. On a Olivier. Salut, Olivier! Bonjour, c'est pas moi normalement. Ah ouais? C'est Simon! Écoute, t'es arrivé en sacrant. T'es arrivé sur le chat en sacrant. Je savais pas qu'on était live ou rien. Je m'excuse. Moi, bah, non, c'est bien correct. Voyons donc. Hey, écoute, on est un podcast ça. D'horreur, là, tu sais. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui parle comme un chartier, là. C'est moi qui passe pour le bûcheron. Correct. Correct, garde, ce sera. Garde, il y a du monde pour la première fois qui vous entend ce soir. Là. Fait que là, je viens juste de créer un précédent. On verra qu'est-ce qu'à la fin, ils regarderont comme un feeling de votre dynamique. Par contre, c'est ça qu'on a raison. Oui, mais ça, c'est sûr. Hey, puis on a aussi des gens sur le chat parce que oui, on est live. Tu l'as dit, on est live. Absolument, on est live seulement pour nos boss, nos Patreons, mais non. Spécialement pour les 31 jours, on fait nos épisodes live sur YouTube, donc n'importe qui peut venir se joindre à nous. On lit vos commentaires, évidemment, on ne lira pas tout le temps, mais on prendra des trucs lorsqu'il y aura des temps morts pour nous. Puis, vous vous demandez où est-ce qu'elle est, justement, Vicky. Vicky est excessivement occupée, mais elle est sur le chat, puis elle dit qu'on s'ennuie d'elle. Mais moi, je regarde l'écran, là, puis je sais plus ce que je la mettrais dans cet écran-là. merci, Vicky, de t'être sacrifiée pour laisser de la place. Au milieu. Au milieu? Ouais. Là, il y a Audrey au milieu, là. Steve. Ça s'arrange, ça. Ça s'arrange. Okay. Ça veut dire qu'il y a juste de la place pour une fille en tout temps. Non, c'est ça, écoute. Puis en plus, sur mon écran, c'est très drôle parce que Audrey est entourée d'hommes sur mon écran. Si vous checkez le chat, là, sur le stream live. Bien entouré, j'espère. Hey gang, avant qu'on se lance, étant donné que ça va peut-être durer longtemps, puis il y a peut-être du monde qui va nous lâcher entre-temps, je voulais qu'on en profite tout de suite pour vous présenter, présenter vos projets pour ceux qui ne vous connaissent pas, Rapidos, les gars des oubliettes, si vous voulez nous jaser un peu de votre podcast. Veux-tu le faire, Rolly? Ah oui. Ouais, vas-y. Moi et Simon, c'est historique, on s'est rencontrés à Fantasia en personne, 5-10 minutes à peu près, avant un film très décevant. On veut le titre, là. Aux yeux des vivants, aux yeux des vivants de Alexandre Mustillo, Julien Maury, que j'avais beaucoup d'affection parce que j'ai beaucoup aimé à l'intérieur, puis il m'a reconnu, puis on t'a mis Facebook. Puis on s'est parlé 10 minutes. Puis c'est drôle parce que la relation que moi et Simon on a ensemble, quand on décide. Est incestueuse. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire. c'est du 10 minutes, je m'explique. Donc, j'aimerais faire une émission de podcast, de radio live où on parlerait de vieux films oubliés, des films qui ne sont pas mentionnés souvent, des films, bref, qui prenaient la poussière dans le temps dans les vidéos, là, les VHS, ceux qui vraiment là, qui avaient top de poussière, qu'on louait, OK? Que personne d'autre, tu laissais les Friday the 13th d'un côté, tu allais chercher ceux d'en dessous, puis ben là, oui, c'est sûr et certain que ça m'a intéressé, puis ben, il y a une amitié qui est née entre ça. Mais comment ne pas t'aimer? T'es débarqué chez nous pour qu'on fasse connaissance. Ouais. T'es débarqué avec DJ Nungava, puis à cette heure, je t'accro. J'en dois une. C'est une intraveineuse, mais à cette heure, genre. C'est parti de là, puis je pense que moi et lui, on ne s'attendait pas du tout à ça. Non, mais je pense qu'on était deux. Je pense qu'on était deux délaissés qui tripaient sur la même affaire, qui avaient le goût de partager, puis ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça oui. A donné que ça semble fonctionner, il semble qu'on ait une bonne réponse, fait qu'on continue. Ça marche là. Bien, c'est ce qu'on fait. Ben moi, j'étais tellement grand gueule. là, on est rendu, je pense mardi, c'est notre 86e épisode, là. Ça fait pas super longtemps, on fête notre deuxième anniversaire. Là. OK, cool. Puis, en plus, ben, vous n'êtes pas seulement des jaseux de films, là, mais vous êtes quand même très plugués parce que vous avez eu des invités de marque. À part Steven, qui est allé faire un tour. Ah oui, de marque. Steven, c'est un invité de marde. Non, mais. Non. Steven, on n'est pas d'accord avec ça. Non. C'est Steven, bienvenue aux oubliettes. Ben, disons qu'on aime ça se forcer. On a l'avantage que d'autres n'ont pas d'être à Montréal. Fait que Il y en a beaucoup qui sont dans le coin, puis ben, à force de faire le tour des festivals, puis ça, ben, on vient qu'à les rencontrer, puis à créer des relations d'amitié avec ces gens-là, comme plusieurs, comme Isabelle Grondin, par exemple, ou SV Bell, qu'on a reçu, les organisateurs de certains festivals, mm-hmm. qui, de toute façon, eux, vont venir parce que c'est de la promotion pour leur festival, leurs événements, fait que ça fait partie de la game. Mais je pense qu'au final, j'ai la chance avec Olivier d'avoir une belle relation avec ces gens-là. Fait que c'est facile de les avoir, puis c'est des contacts, le fun. Puis l'important après ça, c'est de nous offrir un show qui a de l'allure, qui a envie de revenir. Mais ça, mais ouais, on est chanceux. Je pense que ça, c'est correct. Ça, c'est déjà dans la poche pour le show de qualité. Oh, t'es fin. Bah, écoute, parce que je veux que vous veniez, vous autres aussi. On a quand même quatre shows à faire, ça, ce mois-ci, là, si, dans le fond, si vous voulez vous repointer dans les puis autres. Vicky parce que... répond à Simon sur le chat. Elle dit, hey, il y a Sherbrooke aussi, il y en a du choix maintenant après. Oh, yes, I know. Je vais venir voir. Café, oui. J'ai promis que j'allais venir voir. Hey, bien, ensuite, on a Sylvain. Sylvain, je te ferai parler d'Horreur Web, mais on va plutôt te faire parler des septième démenti. Horreur Web, ben écoute, ils viendront en jaser. Non, c'est pas vrai, on en glisse un mot quand même. Ben oui, on peut en parler. C'est des garçons qui ont créé ça, et puis à un moment donné, je suis arrivé. Puis ils font un podcast, puis là, j'ai été dedans quelques fois, puis là, je le suis plus. Puis ça. Oui, c'est bref, ça, t'es plus de web. En fait, officiellement, j'y suis encore, c'est juste que j'ai plus le temps de participer. Ceci étant dit, je participe activement à ma chaîne YouTube où vous pouvez voir mon show qui s'appelle Le Septième Démenti, où je discute soit de films dont que vous connaissez probablement pas, soit je parle de films que vous connaissez et pour lesquels j'ai une opinion divergente de vous, probablement. C'est bien correct. Ou Kai Lupo. Ou Kai Lupo. On va parler de Kai Lupo. À peine. C'était surtout pas un nom que je connaissais zéro et Castor, je peux quasiment y reconnaître la face partout. C'est rendu un punchline. Écoute, je suis tellement fier. Oui, c'est vrai, hein, en bout de ligne, c'est quasiment rendu un punchline. Mais. Puis, ben, écoute, non, c'est ça, on adore ton show. Et je pense que. Dans ton show, ce que je réalise que tu aimes faire, c'est ça, nous faire prendre quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on pense qu'on connaît, puis finalement, écoute, qui a déjà fait une analyse sur Emmanuel en disant comparer le livre, puis tout ça, là, puis que tu écoutes un podcast, une vidéo, puis tu fais comme cool. Qui? C'est vrai. Il a fait. Oui. Ben, c'est vrai, là, vous pointez des gens, mais vous n'êtes pas dans le même monde que ça. Moi. Non, mais. Okay, ben... Simon? Sylvain. Ah, écoute, hey, non, je ne me mettrais pas à reconnaître. À retenir. Toi, quand tu pointes en haut, c'est un tel. Toi, quand tu pointes à droite, en bas, c'est un tel. Non, oubliez ça. Mais merci. Bien, ouais, c'est bien. Ah, ta mère vient de rentrer, là. Ta mère, elle chante. As-tu fait tes devoirs? Fais ta vaisselle. Steven, il est 9h10, là. Tu te couchais à 9h. On te donnait 5 minutes de plus pour ton podcast. Mais si vous êtes pour terminer, là, si ça peut mettre un poids dans la balance, si vous avez jamais vu les capsules du 7e démenti, je vous les propose fortement sur YouTube. C'est vraiment très, très cool. Ben oui. Oh, merci beaucoup. Je peux en proposer. Arrête jamais. Le tutoriel de maquillage de Paz de la Huerta. Oh, my God. Là, tu fais. Il faut qu'elle ait chaud en partant. Oui, je l'ai fait. Je te le montre après. Oui, oh! Puis ben, il reste Audrey. Audrey, tu n'as pas vraiment de podcast à toi. T'es plus à l'écrit, oui. Si on veut. Et tu écris, tu commences à écrire des critiques pour nous. Tu nous corriges quand on fait des multiples fautes. Mais tu es surtout sur des. Hey, quand même des grosses pointures, là. Tu es sur des blogs très connus. Je te laisse nous les présenter. Ouais. J'écris. Occasionnellement pour TP Allemand et aussi sur Ton Petit Look, tonpetitlook.com. Allez nous lire, allez me lire. Et c'est des blogs qui démystifient la mode et la pop culture. Donc, j'écris là-dessus. Et aussi, je corrige sur Horror Gamer. Fait que si vous voyez des portes, ça veut dire que j'ai pas passé à travers le texte encore. Puis, dans le fond, tu sais, oui, ça pourrait sonner comme quelque chose très. Qui pourrait faire. Ouais, ça a l'air fifi un peu, mais pour avoir lu, puis être un membre de la page, tu sais, ça peut facilement aller chercher les gars, là. Donc, faut pas avoir peur. Puis, tu critiques, entre autres, des films que tu vas voir à Fantasia ou ouais, certains événements comme ça, ouais. Sur leur blog. Cool. Donc, t'es pas la fille qui connaît rien, là, puis qui arrive dans la gang, que les gens vont faire comme, « Ah, de où, elle? » Non. C'est quoi l'horreur? Je sais pas. Non, c'est ça. On s'en fout. On l'aime, l'horreur. Et puis, hein? Bon, il y a quelqu'un sur le chat qui dit, « Just us girls. » Il a dit ça au moment où on Just us girls. Mais il a dit ça au moment où Audrey parlait de ton petit look, puis j'étais là, il me semble que ça fait plus avec ton petit look qu'avec moi. Mais c'est sûr que écoute, ça fait avec ton petit look, mais avec Paz aussi, donc ouais. Just Us Girls. Just Us Girls. Sur Just Us Girls, on va mettre un petit identifiant sonore et on commence à parler de film pour vrai, et on va arrêter la jasette, puis on va aller s'ostiner pour dire qu'est-ce qui est de la merde, qu'est-ce qui est bon. On se revoit après la fille qui crie. Just Us Girls. Donc, c'est avec le film T6 qu'on commence notre premier épisode des 31 jours d'horreur. C'est Jeff qui nous avait proposé le film T6, ouais. Je crois. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est dans les trois films que j'ai proposés pour la liste, c'est le seul que j'avais vu. C'est un film que j'ai vu il y a une quinzaine d'années à peu près, puis j'avais le goût de le revoir, puis je me suis dit, je vais l'inclure là-dedans. J'avais trouvé ça intéressant comme petit film de thriller, horreur, tu sais. C'est plus un thriller, en fait, que d'horreur. Mais là, je pense qu'on est juste deux à l'avoir vu, fait que ça va être une discussion assez courte, là, je pense, là-dessus. Mais dans la gang, je pense qu'il y a juste moi puis Audrey, je pense, qui l'a vu. Oui. Puis... Ouais. C'est ça, en fait, c'est... qu'est-ce que j'allais dire? C'est un film réalisé par Alejandro Amenábar. Je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. C'est lui qui a fait Open Your Eyes, qui a été qui a inspiré Vanilla Sky de Cameron Crowe. En fait, c'est le film original. Mm-hmm. Penelope Cruz joue le même rôle dans les deux films. Puis c'est lui aussi qui a fait The Others avec Nicole Kidman en 2001-2002. C'est un Espagnol, donc. Puis son premier film, c'était Thesis. Puis ça raconte l'histoire, en gros, d'une jeune femme qui écrit sa thèse sur la violence dans l'audiovisuel, tout ça. Puis qu'elle cherche à avoir quelque chose du matériel un petit peu plus punché, tu sais. Puis elle va demander à son directeur de thèse d'y en trouver. Puis le directeur de thèse va trouver en fait, dans les archives, va trouver une genre de pièce secrète avec des tapes. Vraiment, il sait pas trop c'est quoi. Il en prend un. Puis en le regardant, ben, il va crever. Puis elle va découvrir son corps, tout ça. Puis elle va prendre le tape, puis elle va le regarder avec un de ses amis qui est un peu weirdo, il y a plein de tapes bizarres lui aussi. Puis ils vont se rendre compte que c'est un vrai meurtre que sur le tape, tout ça. C'est un snuff movie, tu sais. Fait que là, c'est de découvrir, puis en plus, ils se rendent compte que c'est quelqu'un de l'université où est-ce qu'elle est qui s'est fait tuer sur le tape. Fait qu'ils vont essayer ils vont partir un peu leur propre enquête. Puis c'est un film, c'est une réflexion en gros sur notre fascination avec la violence, puis je trouve que c'est encore pertinent de nos jours, même si de nos jours, on parlerait plus des réseaux sociaux si on ferait le film. C'est un film vraiment de son époque, mais je trouve que la réflexion est encore intéressante à regarder. Puis, tu sais, ça parle de notre fascination avec la violence. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à se détourner de regard, tu sais, quand on arrive sur une scène, mettons, d'accident, des trucs comme ça, ou de voir un film comme ça, tu peux pas t'empêcher de le regarder, tu sais. Elle essaye tout le long du film de pas regarder ces images-là, mais en même temps, elle est fascinée par ça, tu sais. Fait que, en le revoyant, j'ai vraiment trippé autant que 15 ans quand je l'avais vu. Puis, c'est ça, je voulais juste en fait partager, voir s'il y avait d'autres personnes que ça pouvait intéresser. Puis, je sais pas ce qu'Audrey en a pensé. C'est quelle année déjà? 96. 27. Ouais, moi je l'avais jamais vu, je connaissais pas ça du tout. J'ai vraiment été agréablement surprise. C'est vraiment une bonne suggestion, j'ai trouvé. Par rapport au punch, là, le reveal à la fin, c'était qui avait fait oui. Le film. Je l'avais vu venir. Je sais pas si toi, tu l'avais vu venir. Ben, tout le long, il te laisse... Tu sais jamais vraiment qui ça va être. Là. Ça peut être différentes possibilités. Ça peut être la blonde d'un, ça peut être un autre. Ça peut être... Mais en même temps, tu t'attends à ce que... C'est un peu évident, mais en même temps, tu sais jamais, t'es jamais sûr tout à fait. Là. Personne-là, j'attends cette personne. Mais même à ça. Mais ce gars-là, cet acteur-là, Eduardo Noriega, il est vraiment bon. Il est dans justement Open Your Eyes. Spoilers. Puis, ben ouais, pas spoiler, mais cet acteur-là. Mais c'est aussi. Il est aussi dans. Et on l'a pas vu rentrer, hein. Non, mais. Bon, désolé. Mais, en tout cas. Mais tu sais, il est dans The Devil's Backbone aussi de Guillermo del Toro, ouais. Qui est super bon, cet acteur-là. Il est vraiment génial. Oui. Ouais. Mais je voulais juste dire ça, je m'excuse, j'ai spoilé. T'as fait un pat lirette. Oui. Ah, ça, c'est drôle! Mais il y a des scènes là-dedans qui sont vraiment trippantes. Il y a une scène dans un couloir, dans un souterrain, où ce que la lumière a fait juste... c'est super bon, c'est génial, ça. Juste à la... pas la flashlight, mais la... Ouais, c'est ça, la flashlight, dans le fond. Pas la flashlight, voyons, le... Je cherche le mot. Anyway. Un briquet, bon. Boy, c'est compliqué, ça. Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'elle vire folle comme Nicolas Cage en 8 mm à la fin? J'ai jamais vu 8 mm. Fait que... Mais je sais que les deux films ont des parallèles. Là. J'ai pas vu, mais assez pas folle. Sylvain, il a vu le 2. Ah, on en parlera, Sylvain, du deuxième. Ouais, je sais. C'est un film en langue étrangère. Ça fait changement. Ouais, ben. Puis c'est quand même, ben, regarde, Simon a montré The Devil's Backbone qui est écœurant. Puis, mais je pense à l'acteur, mais il y a comme avec Alejandro Amenábar, de Open Your Eyes, là, ceux qui ont vu Vanilla Sky, c'est à voir. Là. Ben, moi, je le trouve meilleur, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu les deux, mais. Il faut dire que j'ai vu l'original avant de voir le film de Cameron Crowe. Okay. J'adore Cameron Crowe comme réalisateur, même ses films poches. Mais... J'ai mieux aimé l'original. C'est drôle, hein? Mais moi aussi, c'est ça. J'ai aimé l'original. Los Ojos, quelque chose. Oui, c'est vrai. Je trouve que dans Vanilla Sky, il rajoute trop de détails. Puis je sais pas, tu sais, c'est... J'aimais mieux justement Eduardo Noriega que Tom Cruise. Puis... Il reste beaucoup plus simple dans l'original. Dans ce que Vanilla Sky, il joue beaucoup dans le... Wow, c'est fucké! Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'en gros, mais c'est ça. Correct, c'est correct. Je pense que ça vaut la peine encore d'être vu de nos jours. Même si je l'ai spoilé. Yes! Bon, je pense que le monde a déjà oublié. Là. Oui. C'est le vieux monsieur qui tue. Après. C'est le vieux monsieur. C'est ça. De toute façon, on va tellement avoir nommé d'affaires à soir qu'il y a du monde qui va faire comme. Je pense que c'est le petit gars dans Open Your Eyes qui l'a tué. C'est Penelope Cruz. Exactement. Penelope Cruz, c'est ouais. Avec son sex appeal. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter, Audrey? Ben, toi, tu es d'accord. C'est à recommander. Oui, bonne suggestion. Merci, Jean-François. Moi, j'ai hâte de le voir, en tout cas. J'ai essayé cette semaine, mais j'ai juste manqué de temps, là. Mais ça en était un dans ceux que j'avais pas vu de la liste. Ça en est un que j'ai très hâte de voir. Moi, ça m'accroche, ce type d'histoire-là. Puis, vendu comme ça, j'avoue que je suis fort tenté. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, petit conseil en passant, j'étais supposé de l'écouter avec ma copine d'une chambre d'hôtel. J'avais apporté mon Chromecast. N'apportez pas de Chromecast dans une chambre d'hôtel, ça ne fonctionne pas toujours. C'est tout le temps des internets fuckés avec rentrer là-dedans, cliquer là-dessus, votre numéro de chambre, tout ça. Le Chromecast, t'es pas capable de rentrer le numéro de chambre là-dessus. Ça a l'air. Fait que j'ai pas pu streamer mon film sur la TV, fait qu'on a écouté une reprise de SNL. Bon. Qui passe des reprises de SNL un samedi soir à 10h, je sais pas. Hey, le 2 octobre, on avait le film Night of the Hunter. Et là, je sais que pas mal tout le monde l'a vu. Oh, ça c'est bon, là, par exemple. Hey, hein? Steven, qu'est-ce que t'as pensé? J'avais hâte de le voir, ce film-là. C'est qui l'a proposé? Marc-Antoine. Bon, ben, Marc-Antoine, merci pour la suggestion. Mais non, sérieusement, je pense que c'est un classique qui était sur ma watchlist. Je sais pas qui l'a vu pour la première fois. Audrey, tu l'as vu pour la première fois? Ouais. Jeff aussi, toi, Simon, tu l'avais déjà vu? Moi, je l'avais vu, ça fait très longtemps, mais j'étais vraiment content de me ressaucer dedans. Moi, je me suis tapé le film justement cette semaine là, pour me rafraîchir la mémoire un peu. Là. Parce que et ça, j'en ai pas de ça, de la mémoire. Correct. Ça reste que c'est le film aussi qui avait inspiré avec Robert De Niro. Je cherche le titre, je veux pas trop cliquer sur mon... Mais c'est comme le remake, là. Est-ce que c'est Cape Fear, tu parles? Cape Fear, oui, c'est ça. Mais il y a un original Cape Fear aussi. Oui, ouais. OK. C'est un peu... 61. Oui. La réalisation de ce film-là, la direction photo, le choix de plan, les enchaînements, les images, c'est tellement beau. Ça la qualité de l'image aussi, là, pour un film noir et blanc, là, c'est tellement bien réalisé. Il y a des scènes... Et Robert Mitchum... Ah, oh, il est cool, Robert hein? Mitchum, mais tu couilles un peu. Ah, ta performance est à glacer le sang. C'est vraiment incroyable. Mais ce que j'ai trouvé drôle, puis je sais pas si je suis seul à trouver ça, c'est que pendant le trois quarts du film, là, t'es comme, mais quel être incroyablement mauvais. Tu sais, là, t'es comme, ah, oh, il fait peur, il t'a glacé le sang. Mais à la fin, là, ça n'est qu'un putain de loser, là. Oui. Pas si... Tu sais, là, dans le sens, là, que... Il pousse ses petits cris, tu sais, quand il court après les enfants dans les marches, puis qu'il fait juste tomber, puis... J'avais quasiment l'impression que c'était ça, Sideshow Bob. Ah, quand il se fait tirer dessus, justement, par ouais, la vieille. Quand il se fait tirer dessus par la vieille, puis il crie. Puis que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est le même cri trois fois. Oui. C'est juste le même son de cri, genre, en loup. Enregistré une fois, drôle. Ouais. Puis la vieille a réussi à tirer dessus parce que le chat, il a fait faire le saut. Oui. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'à la fin, tu sais... Quand il est devant cette vieille-là, puis qu'elle fait juste l'attendre, c'est tellement hot parce que c'est le duel entre les deux, là, de la vieille qui même se met à chanter la même chanson que lui, qui a chanté tout le long, pas fait Leaning. Puis qu'elle a fait juste rajouter les vrais rajoute In the Arms of Jesus, tu sais. Oui. Puis tout ça, parce que tu te rends compte que je sais pas si c'est une vraie chanson, mais que lui il aurait peut-être retiré les mots religieux pour en faire de quoi de plus creepy, tu sais. C'est génial. Ça me fait chier de pas l'avoir vu encore, mais cette soirée-là, ma blonde voulait découvrir The Neon Demon. Fait que t'es comme, je peux pas refuser ça. Ben, c'est pas grave, Master, tu l'éjectes, puis tu vas regarder ça maintenant. Mais il y a des images sur la rivière avec le canot, là, ça kick des culs en essayant. Oui, plein, bon. Avec des animaux t'as en première pas mort en plus. Non, c'est ça. Souvent, non. C'est le problème des vieux films, un peu trop vieux, tu sais, noir et blanc, années 50. Des fois, ça manquait de rythme, on va se le dire. Mm-hmm. Mais celui-là, t'as aucun temps mort, ça arrête jamais. Il y a toujours un bon suspense, puis c'est tellement oui. Hot. Puis ouais. J'aime bien dans son jeu la façon qu'il séduit les autres, mais où ce que nous autres on voit tellement clair dans sa face qu'on est comme mais voulez-vous bien vous rendre compte que c'est un trou de cul? C'est le fun à quel point que t'as le goût de crier à TV, là. T'es pas juste comme gang d'imbéciles. Non, t'es investi dans le film. Ouais, c'est vrai. J'ai vu quelqu'un sur le forum des 31 jours chialer sur la performance des deux acteurs. Ben, je pense la petite actrice, mais moi, je me suis attaché aux deux enfants, leur dynamique, les deux, comment est-ce qu'ils se collent, comment est-ce qu'ils se tiennent vraiment ensemble. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais je comprends que, tu sais, on en a souvent parlé dans les épisodes d'Horror Gamer, que les enfants de l'époque, c'est pas le même type de jeu qu'aujourd'hui. T'sais, on peut pas espérer la même chose qu'un enfant qui est de 5 ans aujourd'hui qui a déjà des cours de théâtre dans le nez. Là, t'sais. C'est vrai que la petite, des fois, t'as l'impression qu'elle regarde le staff derrière la caméra aussi. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'elle n'est pas aussi investie que les autres, qu'elle comprend peut-être pas l'impact de ce qu'elle est en train de faire. Mais je pense que tu l'as soulevé le point. Là, on est des. C'est quelle année déjà? 54. Ben, c'est ça, tu sais, on peut pas. T'as raison, je pense qu'on peut pas en espérer tant que ça d'un enfant de ces années-là. Ça peut pas tout être des petits génies, là, comme certains acteurs de ces années-là qui étaient fabuleux, justement. C'est pas une Shirley. Il y a Sako Mongo sur le chat qui marque le flow de Room, là, Jacob Tremblay, qui est un autre type d'enfant, là, enfant de nos jours, là, un autre type d'acteur. Mais non, c'est ça, on ne peut pas espérer la même chose, mais comme tu dis, il y avait quand même des génies, puis c'était pas, en plus, comment dire, on ne voulait pas présenter nécessairement aux enfants, comme tout, je pense, le big picture de tout ça, fait que des fois, peut-être qu'on lui demandait juste réagir. Comme si t'avais peur, tu sais, sans nécessairement lui dire qu'est-ce qui venait de se passer, là, tu sais. Mais les enfants, souvent, sont pas conscients non plus, tu sais, je me suis tapé les deux Village of the Dam, puis j'ai écouté ça de Carpenter, puis j'ai regardé les special features, puis tu sais, t'avais tous les jeunes aujourd'hui, maintenant, qui racontaient leur expérience de tournage, puis ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils disent ou de qu'est-ce qu'ils font, ils font juste suivre à la lettre ce que le réalisateur lui dit, fait que, tu sais. Tu diras pas une... Tu diras pas à une petite fille, imagine que ta mère est morte, là, tu sais, là, tu sais, là. Le monsieur-là vient de tuer ta mère, tu sais. C'est dans quel film? Ça arrivait, par exemple, je pense que c'est pour le tournage de Benji, le vieux film noir et blanc de Benji, le petit chien. Le kid s'était attaché au petit chien. Puis je pense que pour la scène où ce qu'il fallait qu'il braille ou je sais pas trop, le réalisateur a dit au kid que le chien, oh non! C'est de mémoire. Je peux me tromper pour les détails, là, OK? C'est à vérifier, mais je pense qu'ils ont fait semblant qu'elle allait tirer le chien derrière la cabane. Genre, on a entendu le coup de feu, puis après ça, ils sont venus dire au kid, le chien, il est mort. Genre, puis nous, on tourne la scène. Genre, action! Ouais, fait que la réaction du kid qui broille est vraie, wow. Tu sais, mais tu peux pas faire ça tout le temps, là. Surtout la petite. Dans Night of the Hunter, la petite est un peu jeune, là. Tu peux pas commencer à la traumatiser non plus. Le plus vieux, tu sens qu'il comprend ce qu'il fait là, mais l'autre est trop jeune. Ah oui. Ça me fait penser je cherche le titre. Le film récemment avec Ryan Gosling puis l'ex de Ah, Colin, cette romance-là, là, qui se passe sur plusieurs années. Blue Valentine. Oh, okay. Ouais. Où est-ce qu'à la fin, la job de Ryan Gosling, une des dernières scènes, où est-ce que la petite fille veut pas que son père parte, mais que dans le fond, c'est son ami. Ryan Gosling, son but dans cette scène-là, le réalisateur, il avait dit, il faut que tu fasses en sorte que la petite fille ne veut parte, puis qu'elle veut plus te suivre. T'sais. Fait qu'il a comme été obligé de dire de quoi de méchant à la petite fille pour qu'elle parte, là, tu sais, pour qu'elle ait de la peine, tu sais. Forcer l'acteur à dire quelque chose de méchant à un enfant pour qu'il fasse de la peine pour vrai, puis que la réaction soit parfaite. Là. Puis justement, quand t'écoutes la scène, c'est juste malade. C'est fou comment la direction d'acteur avec les enfants, c'est toujours un peu. Moi, j'adorerais ça. Foutez-moi comme réalisateur dans un film avec plein d'enfants. Je te jure, je vais envoyer à moitié après ça d'un hôpital psychiatrique. Ça va être malade. Tes parents sont morts. Action! On ne veut pas que ça finisse dans un carnage non plus. Là, t'aurais l'enfant avec son cellulaire qui fait comme « Mais non, si je tentais de la texter. » Oh, mais ça ferait un méchant film, là. Je ne dis pas que ça serait bon, mais les enfants qui broient tout le long. Dans le fond, tu peux juste tourner... Plein de scènes d'enfants qui braillent, puis après ça, tu fais un film avec ça. Bon, on va trouver une histoire après. Mais je t'ai coupé, Steven, t'allais dire quelque chose. Ah, ben j'allais juste dire que dernièrement, je suis tombé sur un autre documentaire sur les tournages, puis il montrait un film où Jackie Chan devait interagir souvent avec un bébé. Puis les scènes où le bébé devait brailler, ben il prenait la main du bébé, il faisait assemblant d'y taper la main, mais il se tapait la main à lui, puis il faisait comme le chicaner. Puis ensuite, pour le faire sourire, puis il prenait d'autres choses, puis il essayait de le faire rire. Fait que vraiment, il utilisait toutes sortes de trucs pour interagir avec le bébé, puis c'est comme... C'est bien, mais en même temps, je me sens mal pour le bébé, parce que, tu sais, il fait assemblant de chicaner, le pauvre petit, là. Good. Est-ce que quelqu'un avait autre chose à rajouter sur Night of the Hunter, à part... Écoutez-le, Colin. Ah, écoutez-le. Écoutez-le, faut pas penser que, justement, contrairement à d'autres films des années 50 un peu plus lents, faut pas penser que celui-là va vous décevoir pour ça. Mm-hmm. C'est un film qui traverse les années et je pense qu'il prend tout son sens en noir et blanc. Je pense pas qu'il serait aussi bon en couleur aujourd'hui que des cellulaires, là. C'est un film unique. Un film unique à découvrir. Et je cherche le nom de l'actrice qui joue la femme qui ben, c'est Lillian Gish. Shelley Winters. C'est pas Shelley Winters? Shelley Winters, c'est celle qui est comme celle qui adopte. Non, c'est Lillian Gish, elle semble, non? C'est Lillian. Alors, mais faites confiance à Lee. Moi, c'est pour ça que je suis content de faire le show des oubliettes avec lui. C'est mon encyclopédie. Oui, mais c'est ça qui est cool. Nous autres, on a Jean-François. Fait, c'est comme une bataille de IMDB humain entre Lee et Jean-François. Oh, je trouvais cool que dans le film de Lillian Gish, qui est une ancienne vedette des années du cinéma muet, c'est comme dans des films comme Broken Blossom, qui est un classique du cinéma muet, c'était une des grandes actrices de l'époque. Puis je trouvais cool qu'elle soit dans le film. J'ai retenu son nom qui était dans le film, mais je me suis dit si c'est elle qui fait cette vieille-là, mais si elle fait la mère des enfants ou la grand-mère, ouais, veut dire. C'est ça, j'essaie de me rappeler celle qui joue son personnage est Rachel Cooper. Est-ce que c'est la mère, la grand-mère, ou c'est la madame qui... C'est Lillian Gish. Rachel Cooper, C'est celle qui tire. C'est celle qui tire du gun. Shelley Winters, c'est Willa Harper. Ouais, c'est ça, j'essaie de me rappeler. Parce que dans le fond, c'est juste que je trouve que ce personnage-là de la dame qui arrive aux trois quarts du film, tu sais, où ce qu'on pourrait faire comme « Hey, comment, rajoute-nous pas un nouveau personnage avec où est-ce qu'il faut que je m'attache ou quoi que ce soit. » Tu la vois, puis deux minutes et demie après, tu la trouves vraiment attachante. Puis il y a une scène entre elle puis une des filles qui vient de se faire comme rejeter par Robert Mitchum, qui revient un peu triste. Puis, tu sais, deux personnages qui n'ont aucunement rapport avec l'histoire principale, puis une scène qu'on aurait pu couper, mais que j'ai trouvé vraiment super bien joué. C'est C'est un bon défi là, d'arriver en plein milieu d'un film puis nous rajouter une scène avec des personnages qu'on connaît pas trop puis de réussir à nous accrocher quand même. Puis elle, ben, excusez. Non, vas-y. Ce que j'aime de ce film-là, c'est aussi l'évolution de la génération. Je vais faire un suivi de ce que disait justement ce personnage-là. Quand elle arrive, je veux dire, on s'entend, là, elle ne connaît pas les deux enfants. Bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais bon, t'sais, elle ne connaît pas les enfants, puis elle les prend sous son aile. Mais avant que tu comprennes ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les frappe, puis ah ouais, à la maison. C'est comme, ouais. T'es qui, toi, vieille folle? Là, ouais. Laissez tranquille, tu ne connais même pas ces enfants-là, puis tu as l'impression qu'ils les kidnappent. Ouais. C'est tellement un autre univers, c'est une autre époque. La façon que les femmes sont traitées dans le film, l'opinion de tout le monde dans le film est comme vraiment troublante, puis ça passerait jamais aujourd'hui. Mais ah, c'était l'époque. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un regard vraiment fascinant sur cette génération-là de femmes esclaves, là, carrément. Là. Au début, là, la femme qui vient à peine d'être veuve, Robert Mitchum qui arrive, font comme « Garde, là! Ouais, c'est un bon parti! Marie-toi avec, là! Qu'est-ce que tu fais? » Genre, le lendemain, on dirait, c'est comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais ouais, c'est ça, faut comprendre que c'est une autre époque qu'une femme seule à son âge avec des enfants, ça, tu pouvais pas faire ça, là. Sinon, ouais, non, tu pouvais pas faire ça. Il y a un bon monsieur, là, il y a un beau chapeau. Marie-Lé. Non, mais c'était carrément ça, là. C'est hot. Puis, tu sais, on va en parler tantôt de And Then There Were None, un film de 45, 10 ans auparavant, mais le traitement des femmes là-dedans est vraiment pas mieux non plus. Là, non, c'est ça. Je voulais juste rajouter que Lillian Gish aussi avait joué dans Birth of a Nation en 1916, le 100 ans. Ah. Le film qui vient de sortir aussi cette semaine, le remake. Fait que c'est ça. Ouais, mais l'original, c'est un film qui a été très controversé, Birth of a Nation. Oui. C'est quoi, ouais. C'est 1916. Ouais, oui. Je me mélange avec d'autres choses. Mais oui, ils ont sorti le remake 100 ans plus tard, tu sais. Ouais, non, mais le remake est très controversé aussi en ce moment. Oui, parce que le réalisateur a violé quelqu'un dans sa jeunesse. Là. Ouais. Oh boy. OK, on va passer à l'autre film. Non. OK. Mais non, mais écoutez, là, c'est peut-être là qu'on va changer de toutes sortes de... On ne parlera pas de films sérieusement. On va plutôt y aller avec notre troisième film de la semaine qui est Deadly Spawn. Yeah! Qui l'avait suggéré? C'est moi. C'est toi. Je voulais. C'est parce que dans les sélections qu'on a faites, on va se le dire, là, hein, choisir. C'est quoi? C'est trois films chacun, c'est ça? Ouais. C'est pas facile de choisir trois films là, pour Halloween. Là. Moi, en plus, je suis une personne très excessive dans tout ce que je fais. Fait que j'aurais dit trois, OK, je vais t'en donner 100, puis prends-en trois dedans. Ouais, je pense d'ailleurs, je t'en ai sorti 4, puis je n'étais pas capable de couper. Puis ouais, je l'ai gardé le quatrième. Une de tes sélections, donc c'est parfait. Mais dans mes trois sélections, je tenais à voir parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Olivier aussi, il va être d'accord avec moi. Ah oui. J'aime beaucoup, beaucoup le genre d'exploitation. Puis les films un peu plus. Mais je trouve. Oh, on t'a perdu. On l'a tué? Ok. Moi, je l'ai encore. C'est correct. Ok, en tout cas. T'sais, oui, j'aime beaucoup les nanars, mais je trouvais que Deadly Spawn, c'est un bon mix, c'est une bonne fusion entre le cinéma d'exploitation de qualité et le nanar, parce qu'il y a un peu de tout pour tous les goûts. Mais évidemment, c'est pas un film qui. Je le sais que c'est pas un film qui va accrocher tout le monde. Il y a déjà eu des critiques des gens qui suivent les 31 jours qui disent ben, on voit que vous avez mis Deadly Spawn. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il faut le regarder d'un œil différent. Il y a des gens qui. Les gens qui l'aiment l'adorent, les gens qui l'aiment pas vont le détester. Puis je peux comprendre ça. C'est un film série B. Fin de l'exploitation, début du VHS. C'est sûr que ça peut paraître un peu cheap dans son approche, dans l'esthétique, mais si on voit au-delà de ça, c'est tellement un film fabuleux, trippant, original. Les effets spéciaux sont gore à souhait, puis la scène finale est tellement cool, est tellement trippante. Puis comment ne pas s'attacher au kid, le personnage principal qui est l'enfant de la famille? Tout le monde dans ici. Ben oui, c'est un fanatique de cinéma d'horreur s'amuse avec ses masques de monstres et ses posters de monstres dans sa chambre. Le personnage principal, c'est nous. Ah ouais. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce film-là. Aussi, ben, moi, j'aime beaucoup l'affiche de ce film-là et le monstre. Et le monstre aux mille dents, là, je veux dire. C'est le t-shirt que tu as, là? Non, c'est pas celui que j'ai en ce moment, mais je me suis fait faire un t-shirt. Je pensais que c'était celui-là. C'est pas celui-là, mais je me suis fait faire un t-shirt avec juste la bouche du monstre. Fait que c'est juste comme une grosse bouche avec mille dents tout croche. Ouais. Fait que quand le monde me demande qu'est-ce que c'est ça, ben, je leur dis toujours que c'est mon t-shirt pour aller chez le dentiste. C'est bon. Ben, nous autres, d'ailleurs, on en avait fait un spécial sur notre épisode fromager. C'était des films un peu cheese. C'est Fromage de l'espace, je crois qu'on l'avait appelé. Ouais, les films un peu fromagés. Ah, ben, c'est vrai, je peux peut-être faire un synopsis rapide, en fait, avant que tu parles de ton épisode. En fait, c'est ça, c'est simple. Il y a une météorite qui tombe sur Terre, puis de là, ça en échappe des espèces de larves qui vont grossir et manger les humains. Mais, une prémisse jamais vue. Ben oui, c'est du jamais vu. Mais ce qui est différent peut-être de certains autres, c'est que les larves, les monstres, sont aveugles et ils n'ont que leur oui pour vous spotter. Et le kid est assez allumé, il catch assez vite, puis il va utiliser ça à son avantage. Pour moi, pour plusieurs, ce serait l'inspiration de Tremors. Ah, aussi, la même chose. Je serais curieux quand même pour ceux qui l'ont vu ici. Puis je pense que toi et moi, Simon, on a découvert le film de la même façon. Moi, j'ai découvert ce film-là sur Terror on Tapes quand j'étais petit. J'avais peut-être 10 ans. Ah. Terror on Tapes, où il passait Steven, où il passait des bouts de Nightmare, Vampire Hookers, Nightmare City, 2000 Maniacs. Katie's Curse, 2000 Maniacs, puis t'avais Deadly Spawn. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'était comme une petite bible quand j'étais petit. Puis Deadly Spawn, qui est appelé La Chose, ici. Regarde, c'est ça. Drette, la VHS qu'il faut montrer, là. Puis en plus, c'est Simon est en train de montrer la VHS de Terror on Tapes. C'est super belle, ça vaut de l'argent. Wow! Hey, c'est cool, Simon, tu vas pouvoir me l'envoyer. Moi, j'ai découvert ça là-dessus. Jeune. Puis, j'écoutais La Chose, c'était version française, donc c'était non censuré. Puis, comme Simon dit, malgré le gore, le cheese factor, c'est un cheese fest, c'est une fondue, c'est ce film-là, c'est une fondue au fromage. Ouais, tout à fait. Tu t'identifies, moi j'ai toujours dit que Corey Feldman dans Friday the 13th, Final Part, dans le 4, c'est ça? Ouais. Me faisait penser à lui, tu sais, un petit kid à qui tu t'identifies, qui fait des masques, des effets spéciaux. C'est un petit classique, c'est un petit bijou, genre, ce film-là. Moi, j'adore Deadly Spawn. Mais je l'admets, c'était ma suggestion cheese. C'est normal, ça fait pas. Oh, le soundtrack! Le soundtrack. Oh, yeah. Ben, nice. J'avais expliqué dans le forum des 31 jours que moi, puis Steven, puis Pierre, à l'époque, quand on avait fait l'épisode sur Deadly Spawn, on avait fini l'épisode complètement à moitié mort. Là, après l'enregistrement, on se parlait, puis on fouillait sur Internet. Puis on a comme eu l'idée, tous les trois, d'acheter la soundtrack parce que j'ai trouvé un site où il y vendait genre 3,95. Fait qu'on s'est ramassé tous les trois à acheter en même temps la soundtrack. Pis, oui, mais t'es encore disponible. Il y en a encore. Oui, c'est ça, il est encore disponible. La boutique, ce jour-là, a dû dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est ça! Trois transactions, back à back, tac, tac, tac. Il y a quelqu'un qui nous troll à quelque part, là, on va se les faire rembourser. Et moi, je voudrais juste dire que je vous accompagne fortement parce que c'est un de mes films favoris. Et tu sais, Evil Dead de Sam Raimi, c'est comme mon film d'horreur préféré de tous les temps pour la raison pour laquelle que moi, voir une gang d'amis qui ont envie de tourner un film sans expérience, puis essayer de faire de quoi avec pas de budget. Moi, ça me renverse de voir la créativité qu'un groupe peut avoir. Puis tu regardes The Deadly Spawn, t'as beau critiquer le jeu des acteurs, c'est normal, ils ont pas de talent, c'est des amateurs. Mais Crime, ils ont vraiment réussi à faire un film de monstre qui semble sortir des années 50, mais plus gore, qui est vraiment réussi. Puis visuellement, je trouve que le film claque. Moi, il y a des scènes dans le sous-sol avec de la photographie. Avec la mer. La mer, c'est traumatisé. C'est moi, magnifique. Ça, c'est... Juste quand la bébite défonce la porte, puis que là, t'as vu au complet avec la lumière, t'es comme, oh, tabarnak! Ouais. C'est hot, là. C'est vraiment réussi. C'est pas dans le cave aussi, t'as pas une belle shot, justement, qui fait très Argento, où ce que le sang vole sur l'ampoule. Oui. Me mélange pas, ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Il y a vraiment des belles shots, malgré le cheese du film. C'est bien dit. Non, puis je pense que. Dès qu'on commence à avoir l'œil un peu pour ce genre de film-là, c'est à voir. Là. Je On va comprendre l'opinion négative de certaines personnes, mais je pense que c'est quand même un goût qu'il faut développer, puis dès qu'on le développe, c'est le genre de film qui va nous accrocher. Oui, tout à fait. C'est normal que le cinéma d'exploitation des années 60-70, ce soit pas au goût de tous, puis, ou sinon qu'on soit plus difficile. C'est normal, ça se comprend. Mais comme tu dis, c'est à développer parce qu'il y a vraiment des trésors qui se cachent. Exactement, exactement. Tu sais, tu vas prendre n'importe quel nanar, justement, ou navet, puis ça va faire en sorte que plutôt que de passer une heure et demie à sacrer, tu vas passer une heure et demie à rire de temps en temps pour faire comme « OK, c'est de la merde, voilà. Mais c'est moi qui me suis amusé. » C'est pas pareil, ça sert à rien de se choquer. Ouais, tu regardes dans ces années-là, là, il y a quand même un gros travail au niveau technique. Les gars ont beaucoup travaillé. C'est pas juste prendre ton cellulaire comme aujourd'hui puis dire hey, « moi, je vais aller tourner un film avec mes amis. » Puis visuellement, c'est fou l'artificiel à cause du côté trop digital. Je veux dire, j'ai bien de la misère avec les films cheap d'entre amis de nos jours qui essaient de faire un bon film, mais qui ça a l'air vraiment juste cheap poche. Tandis que Deadly Spawn, oui, c'est cheap, mais en même temps, il y a un gros travail derrière ça. Ils n'ont pas juste pris une caméra digitale et en fait, hey, on va tourner ci et ça. Là, il y a vraiment plus de travail, contrairement aujourd'hui où que c'est un peu trop facile là, d'arriver à faire un film avec sa petite caméra. Tu as raison là-dessus. Il y a beaucoup de paresse aujourd'hui, souvent, dans ce genre de film-là, un peu low budget ou cheap. Là, on va penser à Birdemic ou tout ça. Ouais, mais tu sais, des fois, on va dire, hey, voyons, donc, c'était bien paresseux de faire ce film-là. Là. J'ai écouté, je me suis amusé, j'ai écouté Zombies là, dernièrement. Là, oh, c'est... ben, t'as eu le courage de dire ça. Oui, oui, oui. Ça sur Netflix. Ouais. Juste l'image, juste le cover, tu le sais. Oui, c'est ça, tu sais. Exactement. Non. Puis tu sais, il y a de quoi que. Aujourd'hui, tu écoutes ces films-là qui sont faits aujourd'hui, ce que tu fais comme gang de paresseux, tu sais, gang de cheap. Tandis que tu vas écouter un film du même genre, tu sais, avec une même prémisse qui aurait été faite dans les années 70-80, puis tu vas juste te taper sa cuisse puis faire comme « Ah, si vous êtes hot, vous avez trouvé une manière de faire telle affaire avec un truc impossible, tu sais. » Il va au moins avoir quelque chose d'intéressant dans le film. Tu ne pourras pas avoir 100% juste perdu ton temps, tu sais. Juste parce que quand j'ai écouté Zombies, c'est ça. Hein? Tu vas pas juste avoir un gars de Jersey Shore qui va paniquer devant un petit singe en digital, là, tu sais. Ah, calice, garde. Hey, qu'est-ce que c'est que ça contre Jersey Shore? J'ai rien contre Excuse-moi. Jersey Shore, juste le gars. Non, on a rien dit. Hey, on va y aller avec un quatrième, puis après ça, on va passer par une petite pause musicale pour prendre un mini-break. On avait la suggestion de notre ami Sylvain, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, mais qui là, il va falloir qu'il nous en jase. Sylvain, tu nous avais suggéré pour le quatrième soir le film Curse to the Bike. On va annuler. Alors. J'aime la réaction. moi, j'ai trouvé ce film-là vraiment. Je n'avais jamais entendu parler de ce film-là. Je l'ai trouvé par hasard dans une bin à 5$. Puis sur le même DVD, il y avait le premier et le deuxième. Là, je me suis dit, écoute, ça m'appelle. Je vais pas faire ce film-là. Et puis, je l'ai vu, puis honnêtement, moi, j'avais trouvé ça le fun. Moi, j'ai eu du plaisir. Alors, c'est pas... Check-les, Simon, qui sont la VHS. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai parce qu'il y a The Curse One. Ouais. Avec le petit gars qui fait Daryl, comment il s'appelle déjà? Will Wheaton. Will Wheaton. Avec une tomate qui est vraiment mauvais. Qui est produit par Lucio Fulci, qui était réalisé par Keith. Ah, je me souviens plus. Le père je vais te dire de ça, Drew c'est David Keith, le père de Drew Barrymore dans Firestarter. Mais le deuxième... Ah, David, c'est vrai, oui, t'as raison. Le deuxième, il est pas payé, pour vrai. Pour vrai. Tu sais, t'écoutes le 1, t'écoutes le 2, t'es comme, wow! Je m'excuse, je t'ai coupé, mais... Le monde qui sont sur le live présentement, ou en tout cas qui vont écouter le live en différé, c'est là qu'ils vont apprécier toute la beauté de la chose avec Simon qui ne cesse de nous présenter les merveilleuses pochettes des films. Tu sais. Simon, c'est notre Vanna White de ce soir. Là, tu sais, là. Comment ils s'appelaient les filles dans The Price is Right qui présentaient les prix? Là, c'est ce que Simon fait présentement. Brenda ou whatever. Jennifer. Ouais. Non, je pense que Brenda, c'est le nom générique pour toutes ces femmes-là. Ouais. Mais. Quelqu'un qui a déjà vu le 3, simple curiosité. Avec Christopher Lee. Ah! Oh. J'ai jamais vu. Non, il y a Christopher Lee. Ah ben. Mais oui, cette fois-ci, c'est bien, je m'excuse. Écoute, c'est une discussion. Donc, on discute. Oui, mais on veut t'entendre, Sylvain. Oui, mais écoute. Ben d'abord, ce film-là raconte l'histoire d'un couple qui s'en va à quelque part, ça, c'est pas important. À un moment donné, ils s'arrêtent dans une chambre d'hôtel, puis ils prennent une pause de cover de Roman Harlequin. Puis ça, c'est important. C'est là que j'ai fait, OK, là je sais où qu'on s'en va, puis j'aime bien ça. Le gars du couple se fait mordre la main par un serpent. Puis là, il a sa main, puis son bras se transforme en serpent. C'est juste cool. C'est juste le fun. Moi, j'aimais vraiment ça. Puis le lendemain, il se transforme un peu en serpent dégueulasse. C'est un serpent de The Fly. Tu sais. C'est un weird snake. Mais c'est le fun, pour vrai. J'ai vraiment rien à dire sur ce film-là. OK, c'est cool. Mais c'est fortement inspiré de la part de Fly, comme Steven dit. Là. Tu vois que ça a été fait un an ou deux par après, puis tu vois que c'est fortement inspiré par ça. Tu as une histoire d'amour avec un gars qui se transforme peu à peu, puis la fille qui s'accroche à lui, puis qui s'accroche à ses sentiments pour lui. Puis la finale, elle s'inspire aussi beaucoup de Fly, mais je révélerai rien cette fois-là. Mais moi, j'ai accroché à cette histoire-là, ce couple-là. Je me suis attaché à eux puis à leur histoire. T'sais, c'est pas aussi bon, là, on s'entend. C'est à des mille de Fly, là, tu sais. Mais j'ai resté intéressé du début jusqu'à la fin, là, tu sais. J'ai trouvé le récit vraiment intéressant. Puis les effets spéciaux de Screaming Mad George, c'est correct, tu sais. Créateur de Guyver. Exactement, tu sais, c'est correct. C'était des bons effets spéciaux pour l'époque, tu sais. Effets spéciaux, c'est cool. C'est un film d'effets spéciaux. Oui. Ouais. Parce que le premier, on a fait la critique parce qu'on a fait une thématique Lovecraft de Color in the Sky et j'ai démoli le premier film parce que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment... c'est drôle. Il faut que t'en rires à un moment donné. Mais le deuxième, puis comme oui, tu dis, non. Les deux sont sur le même DVD. Fait que je suis vraiment OK, écouter le deuxième. Puis le deuxième, t'es comme, OK, t'as Jill, Shaw, quelque chose qui joue dans The Stepfather, Popcorn... Google est là, c'est la connaître. Mais c'est vrai, le bout à la fin, ils sont dans un. C'est pas la fin ou. Non, en tout cas, je sais pas, je vais pas rien spoiler, mais comme dans un bout de un trou avec un serpent qui pioque des affaires. C'est malade. C'est pareil, c'est le fun, c'est tu ris. T'as du plaisir, le deuxième, étrangement. Fait que oui. Mais malgré le fun et les effets spéciaux, moi qui ne l'ai pas vu, est-ce que vous me le décririez comme un film d'horreur cheesy ou nanar? C'est ça que je voulais dire. Je trouve ça weird parce que ce film-là vague constamment entre du So Bad It's Good et d'une série B compétente. Oui. Okay. C'est pas bien monté. C'est un serpent. Il y a une des scènes, là, c'est du bonbon de nanar. Là. Le couple roule sur l'autoroute et pour aucune fucking raison, il y a comme une centaine de serpents sur la route. Et le couple va carrément rouler sur les serpents, mais en slow motion avec les serpents qui revolent avec du sang. Puis t'as la tête du couple par la fenêtre qui regarde. Ils sont comme « Oh my God! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh my God! » Roule pendant cinq... Arrête la voiture. J'avoue que je fais juste me l'imaginer puis je suis déjà crampé. Là. C'est la scène avec les kangourous dans Wall Street 2. Là. C'est ça. C'est ça. mais c'est weird. Le couple est tellement instable au début. Elle est comme full amoureuse, mais full perverse en même temps. Tout a rapport au sexe avec cette fille-là. Puis à un moment donné, il va arriver une chicane dans un bar, puis tout d'un coup, elle se coalise de lui, puis c'est comme, moi, je veux m'en aller, je veux plus rien savoir de toi. Hein. À partir de quand il est contaminé, oh, finalement, je veux courir après toi, je veux te sauver, fait que c'est comme... Ouais, mais dans le bar, il a écrit un coup de poing aussi, c'est pour ça qu'il y a sec de lui. Un petit problème de direction des acteurs, mais c'est commun, c'est correct, dans ces années-là. Vas-y, Sylvain, du coq à l'onde. Je voulais juste dire que vous avez refusé de spoiler jusqu'à maintenant. Moi, je vais spoiler parce que... Au début, dans les premières minutes du film, il y a une espèce de chicane dans un bar, puis il y a une petite chicane dans le couple, puis le gars, il dit « Ben non, voyons, je te ferai jamais de mal, je me tuerai avant de te faire du mal. » Puis là, je me suis dit « Oh man, c'est du foreshadowing, c'est clair qu'il survivra pas le film. » J'ai beaucoup aimé le vendeur avec ses cartes d'affaires en éponge. C'est ça que je parlais au début quand Sébastien montrait sa carte d'affaires dans le gamer. Je sais qu'on est là pour parler du 2, mais moi, personnellement, j'ai quand même aimé le premier. J'ai regardé le premier cette semaine pour la première fois de ma vie. J'ai aimé ça. Mais si tu le regardes du point de vue, genre, que c'est un film sur la destruction de la famille, genre, causée par l'adultère. T'as la mère qui commet un geste d'adultère. Puis à ça, là, la marde poigne. Puis là, c'est la grosse marde tout le long du film. Puis c'est à cause d'elle que ça s'est causé. Mais en tout cas, j'ai aimé ça quand même. J'ai trouvé ça sympathique. Mais en même temps, je me disais, c'est poche que Will Wheaton suit Stand By Me. Puis que, tu sais, t'as John Schneider qui suit Dukes of Hazzard, ces deux gros projets-là, avec un film comme ça, tu sais, les prochains moves qu'ils ont fait tous les deux, c'est ce film-là, tu sais. Anyway. Juste une parenthèse, Olivier, tu me disais que le premier est basé sur le livre de la nouvelle de Lovecraft, The Color Out of the Sky, là. Oui, oui. Ouais. Jean-François me fait un résumé sur l'adultère. C'est inspiré de loin, là. C'est parce qu'il y a la nouvelle avec la météorite qui s'écrase. Il y a certains impacts de la météorite sur la communauté. Qui vient de l'histoire de Lovecraft. Mais c'est loin du Lovecraft. Là. Ça n'a pas l'intelligence de Lovecraft. Pour moi, c'est une comédie. Tu n'as pas le choix de regarder ce film-là comme une comédie un peu. Je veux dire, tu coupes des légumes, ça te splash dans la face. C'est drôle. Le melon, il y a. C'est pas un film que, personnellement, moi, j'ai analysé par. Non, non, mais j'ai pas pensé. On dirait que c'est une famille d'Amish, un peu. Oui, genre. Un peu. Mais quand on l'a décortiqué, on a fait l'émission Lovecraft, puis je voulais faire ça là, la nouvelle est tellement bonne. C'est une de mes préférées. C'est vraiment, vraiment bonne. Puis je sais pas si tu l'as vu, Sébastien, mais si tu regardes ça, tu vas comprendre. Mais ça reste que c'est un film très cheesy. Il y a un paquet d'erreurs dans le film que tu. Viens avec, dans le sens que tu as un gars qui passe en arrière une maquette de maison avec un gars qui passe avec une chaudière en arrière. T'es comme, oh, un géant avec une chaudière, tu sais. Mais j'ai pas vu ça, ce que tu as vu. Je comprends ce que tu veux dire de l'adultère, puis oui, il y a des messages dedans quand même. J'ai essayé, David Keith, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Le 2 est meilleur, bravo Sylvain. Bravo Sylvain! Bravo! Une bonne main d'applaudissement pour Sylvain. On a eu du fun! Hey, ben, sur ça, je vais dropper mon mic de cravate. Hey, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur Curse 2? Ou sinon, on passe en musique, on se prend une petite pause et on revient en force pour notre autre moitié des films qu'on a vus pour les 31 jours d'horreur. On se prend une pause maintenant! Alors, en musique, avec, je sais pas, on improvise, on va prendre une des suggestions que Guillaume Couture nous a faites pour les 31 jours d'horreur, Jean-François, on s'en jasera, puis on écoute ça, puis on se revoit après et on va vous jaser de « Sometimes they come back again ». Again. Oh. Again. My eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. they played the Monster Mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the Mash. It's now the Monster Mash. The Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's now the Mash. It's caught on in a flash. It's now the Mash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can Monster Mash. The Monster Mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can Monster Mash. Mash good! Easy, God, you impetuous young boy. Mash good! Monster Mash good! Alors, on est de retour après cette chanson Monster Mash que Audrey nous a supplié de mettre dans le montage. Et ce sera ça, Jean-François, que tu auras mis. Alors, même si là, je te dis que c'est ça au montage que tu vas mettre, les gens le savent déjà, ils l'ont entendu. En tout cas, c'est une genre d'Inception, on se comprend. Back to the Future, c'est bon. on avait une suggestion, et là, c'était de Vicky, qui elle est sur le chat, je l'espère, présentement, parce qu'on va vouloir savoir ce qu'elle a pensé, ou en tout cas, pourquoi elle a choisi Sometimes They Come Back elle Again. Pas vu, surtout pourquoi. Écoute, avec Vicky, des fois, le pourquoi est très obscur, mais il faut juste le vivre. Mais c'est correct, écoute. Je pense que ça prenait un petit peu cette touche-là dans la liste, un genre de « what? » Mais est-ce que, déjà, il y en avait qui connaissaient le premier « Sometimes They Come Back » qui était basé sur une nouvelle de Stephen King? Oui. Mm-hmm. C'était pas si mauvais sans être un nanar incroyable, mais ça reste que c'était du Stephen King fait pour le cinéma ou la télé, je me souviens pas, mais qui, comme d'habitude, est terriblement mal adapté par rapport au livre. C'est un film que j'ai écouté très souvent dans ma jeunesse, mais que lorsque j'ai vieilli en le revoyant, je me suis dit, ouais, ça vieillit pas super bien. Ouais. J'avais gardé des très bonnes nouvelles, de très bons souvenirs de la nouvelle, mais pour ce qui était du film, c'était un peu flou. Mais là, Vicky qui s'en va nous dire, gâchez pas mon envie de le voir. C'est parce que pas vu encore. Parce qu'elle a vu aucun des films qu'elle a suggéré encore. Ah. Elle a pigé peut-être dans un chapeau. Il était disponible sur Tubi TV, donc c'était une façon d'écouter des films sans trop. Sans trop avoir à faire d'achat, parce qu'on sait que Vicky, ce n'est pas une acheteuse de films. Donc, si c'était une version gratuite légale, c'était legit. Mais c'était correct. Mais elle l'avait dit dans sa présentation. C'était dans sa présentation. En fait, elle l'a raconté. Je résume. Elle disait que c'était une pochette qu'elle voyait souvent dans les clubs vidéo. Puis que ça avait toujours piqué sa curiosité, mais qu'elle n'avait jamais osé le louer. Puis qu'en l'imposant dans la liste des 31 jours de l'horreur, ça allait la poussé à finalement voir le film. Donc, malheureusement, on peut pas trop lui en vouloir. Elle savait pas ce qu'elle proposait. En fait, moi, je dis bullshit. Elle savait, puis elle voulait nous faire souffrir. C'est tout. Ah, ratatouille. Bon, il y a Vicky sur le chat qui dit « Personne m'écoute, je vous l'avais tout dit en privé pourquoi j'ai pas écouté de film cette semaine. » On le sait, Vicky, t'es vraiment occupé, puis c'était vraiment pas un bon moment. Mais on te taquine parce qu'on le sait, on sait très bien que tu l'aurais écouté, puis que tu nous suis toujours à 100%. Voyons, donc c'est juste parce que c'est les absents qui ont toujours tort. C'est juste pour ça, parce que Big Love, Vicky, Audrey te l'a fait sans le dire avec un cœur, mais voyons donc. On aurait tous aimé ça que tu sois là ce soir. Vicky a dit des choses sur le chat, puis ça nous fait déroger du film, mais en tout cas, c'est un peu hard. Le film. Donc, hein? Le film? Sometimes They Come Back Again. Bon, qui raconte sensiblement la même histoire que le premier. Oui. Ouais, donc, quelqu'un dans sa jeunesse qui a vu des gens tuer quelqu'un de proche qui sont morts, mais alors qu'il est plus tard, 30 ans plus tard, ces gens-là reviennent d'entre les morts pour se venger. Alors que... C'est ça, c'est ça. Donc, qui l'a vu ici parmi nous? Ben, il y a moi, Jeff, Steven, Simon. Ouais, qui... moi, j'avoue que je me suis forcé, je me suis retapé le film parce que ça faisait trop longtemps. Je me souvenais que c'était pas très bon, mais j'ai pris le temps de me le retaper cette semaine pour me faire une petite idée quand même. Puis. Sérieux, là. Je l'ai dit avant qu'on enregistre, puis je pense que ça a été mon feeling, puis je le garde. C'est que ça ferait un très bon épisode d'une anthologie qui dure 40-45 minutes. Tu condenses tout ça, t'enlèves tout le fla-fla, puis tu dis que c'est un film avec les effets spéciaux d'un Buffy, parce qu'on s'entend que les monstres sont de l'air des vampires dans Buffy. Oui, c'est ça, c'est un film MTV. C'est exact. Un film MTV pour nourrir des ados prépubères en manque de sexe qui savent pas quoi faire le vendredi soir avec des effets spéciaux cheap puis un méchant supposément cool badass mais seulement de 92 à 94 à peu près. Moi, je pense que le problème de base, c'est les effets spéciaux 90 qui, tu sais, ils me dérangent pas, mais dans ce film-là, c'est tellement grossier que ça j'ai décroché. Puis le personnage principal, en fait, les trois méchants, tout le monde joue trop gros. C'est pour ça que je dis que c'est comme un film MTV. Tout le monde joue trop gros, c'est comme « Ah, je suis méchant! » Comme on dirait Marie-Lise Pilote avec son personnage de la méchante. Mais tu sais, Alexis Arquette a quelque chose, mais ça vient tellement se perdre dans tout ce n'importe quoi. Puis, à cause que les deux autres essayent de l'accoter dans le jeu, puis qu'ils sont tellement plates, et sont, tu sais, tant qu'à mettre trois méchants, fais en sorte qu'il n'y en ait pas un principal, puis les deux autres que tu fasses comme, garde, colle sur ton cas du plan, je veux pas te voir, tu sais. Mets-moi-en un intéressant, puis appelle ça « Sometime ». He comes back again. Fais-moi le revenir, lui. Je vais peut-être être plus intéressé. Parce que quand les autres arrivent, là, t'es comme, ah oh, non, regarde, je veux pas pouvoir vous autres. Là. Non, les autres lui, sont trop. T'es intéressant. Ben, en tout cas, tu sais, tu comprends pas pourquoi les filles trippent dessus tant que ça. Là. J'imagine que c'est son magnet de mort-vivant ou de c'est démon. C'est le contact de serpent. Là. En tant que tel, c'est une suite. Gore, si on regarde le premier, qui est beaucoup plus discret, qui est beaucoup plus... Je suis pas un fan du tout de la série. Il y en a combien? Il y en a 5, 4? Non, il y en a 3. Mais le 3, c'est officiellement un honneur. Ice, whatever, genre avec la main qui sort de la main. J'arrête les gens. Okay? Puis, le deuxième, pour moi, on dirait qu'ils se sont juste permis de mettre du gore. T'sais, parce qu'il y en a du gore dedans. Là. Écoute, comme Steven, on a eu une petite séance de chat cette semaine, je suis en train d'écouter ça avec ma blonde, je suis comme, faut-tu vraiment que je me retape ça? Puis j'ai des glimpses, des démons qui sortaient, des morts de glu, puis d'une fille qui mange des cartes de tarot dans la face. Oh oui, les cartes de tarot! Oh God! C'était lit. Il y a quand même, ce qui est important de se souvenir là-dedans, c'est que oui, t'as Alexis Arquette qui joue dedans, Puis, Hilary Swank, elle a commencé là. Elle a gagné 2 Oscars pour meilleure actrice. Elle a commencé là, ma grande, dans un film d'horreur. C'est comme vraiment poche. C'est une des rares qui se débrouille dans le film. Cheap de Stephen King, tu sais. Ben oui, mais ça reste un film de gore, des scènes de meurtre, parce que c'est pas rien de très recherché. Pas du tout, personnellement, là. Ah. Fait que Steven, explique-toi, genre, pourquoi? Ah, parce que t'aimes ça, toi? Moi? Tu l'as-tu aimé? C'est ça que je comprends? Non, mais t'as le droit, je veux savoir pourquoi. Comme il l'a choisi. Steven, avoue-le. Là. Non, c'est avoue-le. Vicky. T'as l'édition collector. T'as l'édition collector de Scream Factory, Steven, c'est sûr. Scream Factory, ils n'ont pas d'argent à perdre. C'est ça. Moi, je prendrais des mots de Simon Press de production MTV, j'enlève ça. Puis je mettrais production fait vécu de Canal Vie. Sans les faits vécus. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. C'est une musique de violon. Du violon en synthétiseur. Tu sais, c'est. Ouais. Ah. Simon, t'as la VHS. Ouais, mais celle-là. ok, oui, je l'ai. Mais celle-là, c'est comme une. Pour moi, c'est seconde zone sans intérêt. Fait qu'elle est loin, loin, loin. Puis j'ai n'irai pas chercher ça. Si jamais t'as un foyer chez vous puis que tu veux starter le feu, ça va être utile. Ouais, peut-être juste la boîte parce que le plastique c'est un peu toxique là. Mais le plastique, je peux l'utiliser comme cale de porte. Mais au pire, tu fais brûler le plastique, tu respires les vapeurs, puis après ça, t'écoutes le film, puis là, peut-être qu'il va y avoir de quoi. Ah, j'ai une pas pire idée, là. C'est quelque chose. Ça renouvelle les effets spéciaux, puis... parce que là, s'il brûle le plastique, puis il veut regarder le film, il va falloir qu'il le rachète, ça se peut. Non, pas, il va aller écouter la version Collector Swing Factory de Steven. J'ai menti, t'es tellement terre-à-terre. Scrape pas mes fabulations. Il se mouche dans ta magie. Il se mouche dans ma magie. Tu sais ce que j'en fais de ta magie. Mais non. Ta narration, je l'ai souligné, c'est tout. Mais non, je pense que c'était. Même si tantôt on parlait de Curse 2 puis tout ça, tu sais, on se disait, on est capable de prendre des films puis d'apprécier quelque chose dedans. Je pense que lui, j'ai vraiment eu un peu de difficulté à trouver quelque chose, à me raccrocher. Tu sais, là, tu fais comme, non, si je focus là-dessus, je vais être capable de te faire jusqu'au bout sans avoir le goût d'ouvrir mon Facebook sur mon cellulaire puis de le regarder à moitié, tu sais. Mais c'est ça, je pense, le seul point positif, c'est peut-être Alexis Arquette, mais même là, regarde, là, je pousse très, très fort. Vous êtes tout en train de parler Alexis Arquette, mais honnêtement, Chris, qui est fucking banane dans le film, là, je veux dire, Hilary Swank est quand même meilleure actrice dans le film, surtout qu'elle a un rôle plus important. Mais ah, mais son personnage est vraiment pas intéressant, là. Non, il est pas intéressant, mais en tant que jeu, je trouve que c'est elle qui sort du lot, qui se débrouille. Puis Michael Gross, quand même. C'est ça pour moi. Ouais, mais il sort pas. Tu as soulevé quand même un bon point. Tu as soulevé un bon point. T'sais, oui, tantôt on parlait de Nanor, des So Bad It's Good, mais c'est pas parce que c'est un mauvais film que officiellement tu vas avoir du plaisir à le regarder. Dans ce cas-ci, c'est juste un So Bad and That's It. Just throw it away. So Bad It's Bad. J'ai vu pire, mais comme c'est. Ouais. Oui, il y a pire aussi. Là. Mais Jeff est silencieux, mais dans mes souvenirs, il a trouvé ça pas si pire, si je me trompe pas. Ben, j'ai eu du fun. Je suis peut-être moins difficile que vous autres. J'ai eu du fun avec celui-là. Mais ça fait si longtemps, ça fait combien de temps que tu as vu le film? Je l'avais jamais vu, c'est juste cette semaine. Okay. C'était la première fois que je le voyais. Il t'a pas fait décrocher ça, le méchant principal, pour vrai? Ben, j'ai eu du fun à le voir surjouer. Alexis Arquette, il surjoue dans ce film-là. Ouais, il est vraiment pas bon dans ce film-là, je trouve. Puis j'aime Michael Gross comme acteur. C'est Bert dans Tremors, quand même, dans tous les Tremors. Ça reste que c'est. Puis Hilary Swank, ce que j'ai aimé de leur relation à lui et sa fille, c'est vraiment creepy parce que des fois, il a des regards pour elle, que c'est subtil, mais je trouve que c'est un petit peu, prédateur sexuel. Puis un moment, il fait un cauchemar. Où ce qu'il la voit baiser, puis elle regarde avec un air vraiment sexy. Je suis comme, Chris, que c'est bizarre, parce que c'est lui qui rêve à ça, là, tu sais. C'est dans son rêve, là. Ouais, il rêve quand même à sa fille qui baise, puis qu'il la regarde comme, comment, t'aimes ça. Ah, il prend le temps de la regarder, là, tu sais, il reste sur le bord du corps de pas. Les maquillages sont dégueulasses, les effets spéciaux sont dégueulasses, mais j'ai trouvé ça sympathique. T'sais, à la fin, je trouve que les démons, genre, sont vraiment pas... wise, parce qu'ils vont se faire tuer de la même manière qu'ils se sont fait tuer depuis genre 30 ans. Ils se mettent les deux pieds dans l'eau, toi et trois. C'est comme mes corps. Dans la même flaque d'eau. Vous avez rien compris, tu sais. Cette flaque d'eau, ça fait là 30 ans qu'elle est là. Il y a aucune raison pour qu'ils s'avancent en avant, pour qu'ils fassent 2-3 pas en avant, mais ils le font, tu sais, pour se mettre bien dans le spot, là, pour être électrocutés, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça la beauté. C'est là qu'on comprend que c'est pas parce que t'es possédé par un démon qui a 3000 ans que tu vas acquérir son intelligence. Tu n'es pas omniscient ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'était trois épées qui sont restées épées, mais avec des pouvoirs. C'est ça. J'ai vu pire, je veux dire, c'est ça. C'est pas le meilleur film. Là. C'est niaiseux, mais c'est quoi. J'ai vu peu cette semaine dans les 31. Ouais, t'as vu Bonnie Man. Vicky, à quoi t'as pensé? Vicky, elle pense pas. Vicky... parle fort, on va peut-être t'entendre. Vicky a dit « Yay, Jeff. » Mais c'est quand même drôle parce que Sako Mongro qui dit « Commence par l'écouter, Vicky. Ouais, » c'est comme ça. Apprends pas pour Jeff trop vite. Là. Je veux dire, qu'on soit d'accord ou non avec les opinions de Vicky, c'est... je suis pas sûr qu'elle va triper tant que ça en le voyant. Non. Vicky... Il y aura ton prochain épisode de l'écran gras, peu importe quand il sortira, les premiers films que tu dois critiquer, c'est absolument ceux que tu nous as fait écouter. Non, mais ce serait beau si son épitaphe, tu sais, elle l'a pas vu, mais elle aime bien ça. je taquine une Vicky. Cette semaine, hein? Vicky, ok, c'est bon. C'est bon. Audrey, tu l'avais pas vu. Tu pourras nous tenir au courant. Ah, non, je l'ai pas vu. Okay. Non. Mettons, tu nous fais une critique de la pochette. Non. Ok, ben, est-ce que, spoiler alert, ok, est-ce que c'est ça le film Bunny Man qui a passé à Fantasia, puis c'est un lapin qui viole du monde? Non, mais on parlait pas de Bunny Man. Non, on parlait de l'autre avant. Ah, oui. Ben, ok. Mais on voit qu'on peut peut-être enchaîner, par exemple. Écoute, je pense qu'on est rendu Audrey, là. Audrey, tu viens de nous faire notre segue pour parler de Bunny Man Massacre, parce que c'est le prochain. Voilà. Alors, est-ce que c'est le film du gars en lapin qui viole du monde? Non. Non, Steven? Non. Parce que je regarde qui a écouté Bunny Man. Qui a écouté Bunny Man, c'est Steven. Non. Oui, je sais pas pourquoi. J'ai pris volontairement la peine de le voir. Ça me tentait de souffrir. Juste, je voulais avoir une preuve pour dire à Vicky que tes choix, c'était de la merde. Oh non. Bunny Man. C'est de la fucking merde parce que, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un film à petit budget, tourné avec pas de talent, avec une caméra numérique. Et le gars, c'est juste un fan de films d'horreur, puis il s'est dit « Hey, moi, je vais prendre le synopsis de Texas Chainsaw Massacre, puis je vais utiliser toutes les meurtres que j'aime dans toutes mes séries favorites. Friday the 13th, Part 7 avec le sac de couchage, de 2000 Maniacs avec le Barry, puis les clous. Puis c'est ça pendant tout le long, avec des acteurs de merde qui prennent des décisions de merde. » Il y a une scène incompréhensible. La fille, à un moment donné, elle a un gun dans les mains. Le tueur est en face de elle avec une chainsaw. Au lieu de prendre le gun pour le tuer, elle se dit « fuck off, il n'y a plus rien à faire », elle se suicide. What? Au lieu de tirer une balle. Ça, c'est le choix de qui? Ça, c'est le choix de la final girl. Non, mais c'est qui a choisi le film? Oh, c'est Vicky qui a choisi. Oui, ah, c'est la final girl de Horror Gamer. Là. Ok. Attends un peu, je veux aller chercher sa justification parce que ben elle n'est pas là pour justifier son choix, fait qu'on va quand même le lire. Si je pogne. Ok. Elle nous dit un lapin. Il y a une putain de mascotte de lapin tueur. Un lapin géant tueur. Puis on n'est pas dans Donnie Darko. Le réalisateur est aussi le scénariste et le producteur. Ah, oh, et il a aussi fait Bunny Man 3 ans auparavant. Malgré tout ça, malgré cette grosse pile d'indices, je n'ai pas l'impression que ce sera un So Bad It's Good. Okay. Bien hâte de le voir. C'est juste un So Bad. C'est un So Bad, OK. Moi, j'avoue que c'est le type de film que je ne veux jamais voir. Je vois la pochette, je le sais c'est quoi l'histoire, je sais ce qui va se passer, je sais comment ça finit, puis je sais que je vais être déçu. Fait que, on parle de goût personnel, là, mais il reste que ce type de film-là, c'est des films que j'ai aucun intérêt pour. Même quand ils passent à Fantasia en projection de minuit, je ne vais pas les voir parce que ça m'emmerde. Je sais que c'est pas celui-là qu'elle parle là, avec Audrey, avec le film du viol, mais je sais de quel film elle parle avec le lapin qui viole. Puis c'était pas le film avec le lapin avec le gros pénis géant. Là. C'est ça, c'est pas celui-là. Marc-Antoine dit que c'est Bonnie de Killer Thing. L'année passée, mais il reste que pour moi, c'est la même catégorie de film. Ouais. J'en ai rien à cirer. Des jokes de pénis, ou juste un gars qui court avec un costume. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, pour les oubliettes, je vais faire l'effort puis il m'a sorti une liste de 100 films que c'est tout le même film, mais c'est un tueur différent. Tu sais, OK, on va se le dire, les effets gore étaient malades, mais encore là, The Hatchet Man, c'est la même affaire. Puis je suis sûr que si je me force, je peux en nommer 1000 autres de même. Le problème... C'est pas tant, puis je dénigre pas la qualité du film, le budget, le talent du réalisateur, le fait que ce soit du direct-to-video, je nie pas ça, c'est correct, j'ai rien contre ça, mais c'est le fait que les slashers, Oli va être contre moi, mais... Non, pas du tout. Les slashers, je pense que c'est mort, je pense que c'est terminé la période slasher, je pense... Ça fait longtemps que c'est terminé. Oui. C'était déjà... Oli, lui, il adore ça plus que moi, le slasher. 60, il reste... 70, 80. Ouais. Mais il reste que pour moi, le slasher, ça a toujours été un peu vide comme concept. C'est du cinéma divertissant, mais un peu vide de contenu. Ce qui fait que un moment donné, là, il faut en revenir. Là. Il faut, ça te prend du contenu, ça te prend quelque chose de plus riche pour ton film, parce que sinon, même t'as beau être fan d'horreur et de gore, ben, on va décrocher rapidement parce qu'on le sait que la fée, elle va monter les marches au lieu de sortir dehors. On le sait. Tu sais, comme tu disais, que la scène que t'as décrite, tu sais, c'est ça que moi, que j'ai, de la, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec ces films-là, puis c'est la raison pourquoi j'ai pas voulu le voir. J'aurais pu, puis ça me tentait pas, parce que je suis sûr que personne n'aurait fait le synopsis avant, puis je suis sûr que je pourrais le faire là, puis ce serait ça, là, tu sais. Je trouve ça manque d'originalité, ces films-là, puis c'est le problème primaire de ce genre de cinéma, tu sais. C'est tout le temps la même affaire. C'est pas grave si tes acteurs sont moins, qui sont pas connus, sont moins bons. C'est pas grave si t'as un petit budget. C'est pas grave si t'as plus ou moins de sang qu'un autre. C'est des détails, ça. Si t'as une belle vision, si t'as une belle cinématographie, ça peut sauver le film, mais c'est rarement le cas, malheureusement. C'est un peu pour ça que les... Ben, je pousse loin, là, mais... Tu sais, aujourd'hui, quand on voit un slasher, ça va surtout être des trucs qui vont essayer de rendre hommage plutôt que d'essayer de réinventer le genre. Tu sais, le dernier qui a vraiment essayé de faire de quoi d'original, ça a été Final Girls. Mais Final Girls, dans la nostalgie, et Final Girls, il est vraiment dans ce, il est vraiment autoréférentiel, il est vraiment dans la même lignée que tout ce qui se fait maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est que lui essayer de prendre un peu quelque chose de quelque chose un peu méta pour c'est ça. Là, c'est très rare qu'on va voir dans les top 10 de films d'horreur des dernières années un slasher. Là. Pas d'accord. On a entendu un petit pas d'accord. ça venait du coin, là, Steven. Là. On va l'entendre. Je suis d'accord pour dire qu'on a beaucoup trop eu de marde dans les slashers dans les dernières années, mais quand on fouille, on a des petites pépites qui sont parmi tout ça. Et pour moi, de tendre à Dreaded Sundown, qui est un faux remake suite, je trouve que c'est un des meilleurs slashers qu'on a eu dans les dernières années. On a JP Vandal qui parle de Triangle aussi, qui était... C'est pas un slasher. Je le vois pas comme un slasher. Non, du tout. Triangle, genre, quand même, c'est pas pour moi, personnellement, c'est pas un slasher. C'était bon. OK, j'ai eu du plaisir. Mais comme tu dis, de tendre à Dreaded Sundown, le remake... visuellement, c'était très beau. La cinématographie du film était très bonne. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas l'original. Je sais pas pour toi, mais c'était pas mauvais du tout. Vraiment, je m'attendais à rien. J'ai fait cool, c'était beau. T'sais? Je vous arrête tout de suite parce que The Town That Dreaded Sundown, le remake, est dans la liste. Alors on en parlera plus tard. Okay. Peut-être pour conclure, au pire, on va enchaîner. Ce que je trouve de valeur, c'est... Vicky, je t'attaque pas, mais je pense que ce que j'aurais aimé, c'est être surpris par la sélection du slasher actuel direct-to-video. Parce que comme d'autres ont mentionné, malgré ma haine de ce genre-là aujourd'hui, il y a des trésors, il y a des pépites à découvrir dans le genre... Steven, comme Steven a mentionné, puis je pense que ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me propose un film comme ça, mais une pépite. Pas juste en prendre un dans le tas, le garrocher dans la liste. J'aurais aimé qu'on me dise, OK, ce film-là, oui, il semble être comme les autres, mais attention, vous allez être surpris. Je pense que j'aurais tenté ma chance. Ouais. On propose sur le chat « You're next ». Puis Christy, puis Hush. Ah oui, Hush, je le vois lui. Pas comme un slasher, par exemple. Je le vois comme un vol invasion. Hush, Steven, il aime ça beaucoup. J'ai hâte de le voir parce que. Moi, j'ai bien aimé. Là. J'ai pas aimé ça. Débat sur Hush parce que là, on a Steven du coin droit, puis on a Olivier dans le coin gauche. Puis moi, je vais être du côté de Steven. Je suis du côté de Steven aussi. Je l'ai réécouté vendredi soir. Non, moi, je suis pas là. Qu'est-ce que tu dis, Audrey? Équipe Steven. Oui, c'est bon, ben gars, je vais être seul, hein. Je t'aime plus, c'est correct. Non, mais non. Ça vous dérange-tu qu'on jase de Hush? Parce que moi, je l'ai pas vu, mais je suis vraiment curieux de vous entendre. Ben, t'es mieux de le voir avant, non? Non, non, mais je veux pas que vous me le spoiliez, je veux que vous me disiez les points forts. Peut-être pourquoi vous, vous l'avez aimé. Puis, en fait, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi. Parce que je connais les goûts d'Olivier. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi tout le monde a trippé dessus, puis Olivier, ça ne l'a pas accroché. Fait que peut-être pas aller dans les détails, mais parce que je vais essayer de le. Yeah, je vais essayer de le regarder ce mois-ci. On pourra peut-être en reparler au pire. Hein. On a chacun deux, trois phrases. OK. Sans spoiler. Non, pas plus. Pour moi, ce film-là, je suis tombé sur Netflix hein, comme toutes vous autres dans la liste. On est tous tombés sur Hush sur Netflix. C'est un Stranger in the House, Simon. Oui, ça, je sais. Aujourd'hui, le review du film que je faisais pour notre chronique à nous autres, c'est un Stranger in the House des années 70 que vous allez entendre la semaine prochaine, que j'aime beaucoup. C'est juste que c'est pas un mauvais film du tout. C'est pas un mauvais film. C'est juste que il y a trop. OK, le jeu de chat et souris, moi j'adore ça dans le cinéma. J'en mange, j'aime Mute Witness, j'aime ça. Puis là-dedans, je trouve que c'était mal apporté. J'ai trouvé que c'est un film de nos temps aujourd'hui. On n'est pas en 1980. Il y a des décisions qui sont prises pour moi dans le film qui ne sont pas acceptables pour moi aujourd'hui. Là. Je veux dire, sans spoiler, un tueur qui peut rentrer dans la maison un million de fois, même s'il veut appréhender sa proie à sortir, je comprends tout ça. Il y a des bonnes scènes dedans, genre je routais, l'actrice est très bonne dedans, c'est pas un mauvais film, c'est juste pas un film pour moi qui est venu me mettre sur les nerfs, qui est venu me mettre OK, what's next, c'est quoi tu fais? Ouais, okay. Des décisions un petit peu souvent dans le film, un petit peu nounoun que je me dis pas aujourd'hui, en 80, aussi long que ça, je suis séquentiel. En 89, OK, ouais, ça aurait passé, tu sais. En termes de cinéma, tu sais, mais aujourd'hui, je regardais ce film-là. Il y a une qualité dans le film. Le réalisateur qui a fait le film, bon, tu sais, Steven, on l'aime bien. Et Mike Flanagan, on l'aime. Ce film-là, ça n'a pas été wow pour moi du tout. Là. Puis j'ai pas eu d'overhype ou quoi que ce soit. Là. Quand quelqu'un va me parler d'un film, « Wow, tu sais vraiment, ce film-là, j'attends tout le temps. » Je suis tombé sur celui-là. Je l'ai écouté. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas eu de plaisir. C'est pas un film que je vais réécouter du tout. Vous me diriez si vous... Moi, les films que j'écoute chez moi, comme là, présentement, en background, c'est « Hell of the Living Dead » qui joue. Un « Cheese Factor ». J'aime, quand j'aime un film, je veux le réécouter. Même si c'est en background, comme présentement, il y a tout le temps de son ici chez moi, le monde, c'est ça, mais c'est pas un film que je voudrais réécouter du tout. OK, pourquoi c'est vous voulez le réécouter? Moi, je veux. Steven, on l'a entendu, puis je sais que c'est comme. Étant donné que c'est l'affrontement Olivier-Steven, je veux prendre un détour avant de se rendre à Steven. C'est pas un je veux passer par Olivier Audrey. Non. C'est l'affrontement Olivier-Steven. On a décidé que c'était ça. Mais Audrey, toi, qu'est-ce que tu avais aimé dans Hush? Oui, mais c'est ça, je l'ai trouvé sur Netflix. J'en avais jamais entendu parler. J'ai juste écouté par hasard. Et si tu as déjà écouté beaucoup de films d'horreur sur Netflix, tu vas savoir que la plupart de leurs sélections, je trouve, c'est un peu de la dompe. Mais ça, c'est pas le calibre Netflix. J'ai trouvé que c'était vraiment meilleur que ce qui se fait sur Netflix. C'est pour ça que je m'attendais à rien. C'est un film, mais c'est ça, c'est de meilleure qualité. Puis c'est quelque chose qui va te tenir en haleine tout le temps. Oui, des fois, il y a des affaires invraisemblables. Puis il y a des décisions un peu stupides de la part de la protagoniste. Mais je trouve que ça n'a pas fait décrocher. Puis j'ai aimé ça du début à la fin. Sans spoiler. En général, le gros review. C'est bon. Hey, Jeff? Oui. Moi, je l'ai vu plus tôt cette année. Je suis un gros fan de Mike Flanagan. J'ai adoré ses deux premiers films, Oculus et son premier Absentia. Et j'ai adoré ce film-là quand je l'ai vu tout seul par moi-même. Et dans les deux derniers jours, je voulais pas regarder vendredi soir Halloween 2. Je suis pas un fan de Rob Zombie. Puis je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose à regarder avec ma blonde. Puis je me suis dit, on est tous les deux des féministes, dans le fond, dans nos convictions et tout ça. Puis je me suis dit, je vais essayer de trouver un film avec une femme forte. Puis j'ai pensé tout de suite à Hush. J'ai dit, il faudrait que je fasse écouter Hush. C'est vraiment bon. C'est un personnage féminin fort. Oui, elle prend peut-être des décisions connes des fois, mais je trouve que c'est logique dans le film et tout ça. J'aime beaucoup l'aspect, le fait qu'elle est sourde et tout ça. J'aime beaucoup la réalisation, le jeu du son et tout ça. l'acteur principal qui fait le Home Invader et tout ça. Puis il y a rien que j'aime pas dans ce film-là. Ça passe vite, ça dure 1h20, ça passe super vite. Tu t'embarques dès le départ, dans les 5 premières minutes, tu as la conversation avec les deux filles, c'est super intéressant. Puis tout. Puis moi, je suis embarqué pour le reste du film, puis je décroche pas avant le générique. Là, j'adore ça. Fait que c'est ça. Cool. Et maintenant, Steven. Ben, Jeff en a tellement dit, il a pas mal résumé en gros. Mais je veux dire, Mike Flanagan, il a juste pris une prémisse qui est super simpliste à la base entre les mains d'un autre réalisateur. On aurait juste eu un home invasion comme on a vu un millier de fois, que c'est ordinaire puis sans doute cliché. Mais lui, il arrive avec sa caméra puis ses idées et surtout sa femme qui joue le rôle principal, qui est écœurante, à insuffler de manière intelligente, le Home Invasion. Je trouve que le réalisateur, il a des idées dans sa mise en scène qui fait en sorte qu'il prend pas son public pour des caves. La manière qu'il nous montre que le personnage est sourd, ça passe pas par 10 millions de sujets. Là, c'est une scène au début pendant qu'elle fait la cuisine. Puis, tu sais, la mise en scène est vraiment brillante. Il utilise tout le temps des points visuels pour orienter le spectateur, puis l'informer. Ça va jamais y aller dans les dialogues, pas le choix. En même temps, la fille est sourde et muette, mais c'est juste un trailer qui te garde sur le bout de ton siège du début jusqu'à la fin. Et moi, je trouve, contrairement à Olivier, je peux comprendre que Olivier n'ait pas embarqué. Ça peut arriver comme ceux qui n'ont pas embarqué avec Don't Breathe. C'est deux films qu'on peut mettre sur la même balance, parce que si tu n'accroches pas, ben tu vas pas être sur le bout de ton siège comme la plupart des gens. C'est juste que moi, j'ai trouvé que à chaque scène, je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire de plus, qu'est-ce qu'il allait intégrer de plus dans sa réalisation, dans son histoire, pour me garder accroché jusqu'à la fin. Et je trouve que Mike Flanagan a réussi à tout le temps à rajouter une petite idée ou une nouvelle chose qui a fait en sorte que j'ai jamais décroché ou trouvé que c'était redondant ou long à la longue. Je veux juste... Oh, on a Audrey qui veut rajouter quelque chose. Oui, j'ai juste un bémol que j'ai pensé par rapport au film. C'est, ben, l'actrice principale, oui, était très bonne, puis je sais que c'est la femme du réalisateur, donc peut-être que ça l'a joué dans sa décision. Mais ça aurait été le fun que ça soit une actrice qui est vraiment sourde-muette dans la vraie vie, parce que statistiquement, j'ai lu que dans les films, quand il y avait un personnage qui avait un handicap physique, bien, c'était quasiment 100% du temps joué par un acteur qui n'avait pas cet handicap dans la vraie vie. Puis je pense que ça serait le fun que des fois, on donne des occasions à des acteurs comme ça, que tout le temps casser le même genre de personne. Non, je pense que tu comprends pas, Audrey, l'intérêt. Il n'y a rien que j'aime plus pour jouer un rôle de noir que prendre un blanc puis le peinture. Non, je suis d'accord avec elle, c'est vrai que ça change tout. Je suis d'accord avec toi, André, sauf que dans la réalité, c'est pas une... C'est quelque chose d'idéal qui devrait se passer à Hollywood. Quand toi, tu décides de faire un petit film dans ta cour en arrière, ça se peut que tu n'aies pas une sourde à la portée de la main, tu sais. Une sourde je sais pas. Non, mais ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas dans quelles conditions Hush a été tourné, mais je sais que c'est pas forcément un film de grand studio. Je serais d'accord que les films de grand studio soient tournés comme ça, mais autrement, c'est pas toujours possible. Écoutez Mute Witness. Oui. Okay. Mais je vais faire un mini mélange entre ce que vous avez dit et ce que Olivier a dit. Parce que, oui, Olivier, t'as raison. Des fois, il y a des décisions. Puis le tueur, moi aussi, à un moment donné, je me disais, regarde, come on, man, le défonce, puis rentre, puis tu fais funny. Mais à un moment donné, quand j'ai compris que le film voulait pas que le tueur fasse ça, j'ai comme fait, OK, regarde. Comme on parlait tantôt, soit j'accepte ça ou soit je me frustre tout le long. Fait que j'ai comme fait, OK, je vais accepter que le tueur essaiera jamais de rentrer dans la maison sans que la femme ne fasse pas une gaffe, tu sais. Oui. Fait qu'à ce moment-là, je me suis mis à apprécier ça et j'ai aimé que le film fasse un peu de foreshadowing à certains moments où il va faire comme, checker ça, là, je vous le montre, ça va être important. Amusez-vous à deviner pourquoi, même si on devine assez facilement pourquoi. Et j'ai aimé que la balance entre les deux, qui faisait penser à certains films comme Your Next, là, où que, tu fais comme, ah, c'est-tu elle ou c'est l'autre qui a le dessus? C'est le fun que tu apportes ça, Your Next, parce que quand tu lis, quand tu vas voir le film sur Netflix, le synopsis, grosso modo, là, ce que ça dit, c'est qu'une femme emprisonnant chez elle va rencontrer un tueur, whatever, genre, mais il ne sait pas qui va être son match en tant que tel. Ouais. Et vraiment, ce que moi, ça me disait, moi, j'aime ça, les femmes dans les films qui sont badass, qui, exemple, une femme qui va tellement, je dirais pas tellement se faire meurtrir ou whatever, torturer, mais comme qui va reprendre le dessus et she becomes the hunter. OK? Ouais. Moi, c'est à ça que je m'attendais. On va le dire, I spit on your grave, là. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus violente que ça, peut-être, plus agressive que ça. Quoique, bon, il y a des scènes quand même là, dans le film, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il tombe vraiment sur la mauvaise fille à qui faire chier. T'es pas tombé sa bonne fille. Le synopsis qui est court, allez le relire sur Netflix, ça vous vend ça comme ça. Genre, moi, je m'attendais à ça. En même temps, t'as pas besoin de kicker des culs littéralement ou d'être violent physiquement pour être un personnage féminin fort. Non, peut-être pas, mais moi, je m'attendais à ça. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais une fille en tant que telle qui peut paraître un petit peu comme vulnérable, qui est sourde, qui est muette. Et puis tu vois au début, là, quand elle fait sa bouffe, là, comme qu'elle a son affaire, qu'elle connaît son environnement, tu remarques ça vite, qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Je te dis, waouh, est-ce qu'il va venir cogner chez la mauvaise fille qui va vraiment y foutre une volée? Genre, moi, je m'attendais à ça, honnêtement. Puis, plus le film avançait, à un moment donné, je l'ai fini, puis j'ai trouvé. Mais Hoche mise plus sur un aspect réaliste. La fille est vulnérable. Ça, elle va finir à se défendre et à se revirer contre lui. C'est sans doute la pire victime que lui a eue. Mais je veux dire, c'est pas Younex. Younex, la fille, elle devient Rambo. Elle n'aura pas de la misère à prendre une machette ou à charger une arbalète. Dans Hoche, la fille, ça lui prend 10 minutes à recharger une arbalète parce qu'elle n'est pas capable de tirer la corde, qui est trop difficile. Tu sais, c'est des détails comme ça qui, moi, sont venus plus me plaire parce que justement, je voulais pas un autre Your Next 2, là, avec la fille qui va y kicker des culs puis avoir des plans. Ah, je m'attendais. Skills, pas à ce point-là, c'est sûr, pas une Rambo. Mais juste une rage à la fin, écoute, et que quand sa voisine iconique est morte, son chum, tout. Puis je veux pas, il faut pas trop qu'on en. C'est même pas un film qui est dans la liste, mais comme. Y est-tu dans la liste, celui-là? Non, mais je pense que c'est un message clair qu'on fait à Vicky. T'aurais dû proposer Hoche. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est. Alors, voici Vicky, c'était notre critique de Bunny Man Massacre. C'était ça. Mais bon, regarde. Bon, on peut peut-être enchaîner, là. J'avoue que j'ai hâte de vous entendre sur Halloween 2. Steven a l'air de détester ça, puis j'ai hâte de voir. Ben, je m'en doute, là, mais j'ai hâte de voir pourquoi. Hey, ben, écoute, je regarde qui a vu Halloween 2 et Sylvain l'a vu. Et je veux t'entendre, Sylvain, parce que Sylvain, je fais Oh, Olivier, cinéma, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai cinéma. Payé pour ça. J'ai payé deux fois. Deux fois? Oh cinéma puis le coffret. OK. Bon. Maintenant, Sylvain. Moi, écoute, je l'ai vu, mais je l'ai vu au cinéma, là. Fait que, tu sais, ça... Mais toi, c'était pour le podcast sur un web, fait que c'était correct. Ça date un peu. Cela dit, je voulais vraiment le revoir, puis j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je voulais vraiment le revoir parce que je savais que Rob Zombie voulait pas faire ce film-là en partant. Ensuite, je sais que dans sa tête, Michael Myers était mort à la fin du premier, puis ça finissait de même. Puis il voulait partir avec autre chose, il voulait partir avec une Laurie Strode démolie qui était probablement en voie de devenir une tueuse elle-même. Puis, j'ai regardé le film, puis je me dis, je pense qu'il a fait son film malgré les studios. Genre, je pense qu'on pourrait interpréter ce film-là de cette façon-là. Il me semble que la fin était vraiment ambiguë. Puis, la fin est à chier. Le cheval blanc. Écoute, moi je pensais à Goldfrapp tout le long du film. C'est clair que ça aurait pu être un meilleur film s'il faisait juste enlever du calice de film Sherry Moon, dont on n'a rien à chier, le cheval, puis l'enfant. Ça n'a pas juste par rapport à ça, Simon, mais comme... Mais c'est le concept de rêve, le concept de rêve avec le cheval, puis tout ça marche pas. Ça fonctionne pas avec le personnage. Ça fonctionne pas dans son film non plus. Sa façon, moi, du shakage de tête, là. Oui, du shakage de tête. Adrian Lynn, dans Jacob Vatter, OK, on n'est plus. Ça marche plus. Non, mais qu'une hallucination retienne la fille, là, à la fin, là. Excusez. Ça marche pas. Mais recaster le petit garçon pour trouver une scène pour pouvoir inclure le cheval. Non, mais finis ton film avec ton dernier plan, c'est le même plan que Psycho. faut avoir du fucking culot, vraiment, là, de finir ça comme le, avec le sourire de la fille comme Norman Bates, c'est comme fuck you. Moi, pourquoi j'ai été voir un film au cinéma, puis mon chum m'a dit tabarnak, pourquoi, genre, c'est une merde. La scène d'ouverture est très bonne, on s'entend là-dessus, dans l'hôpital, c'est bon. Oh oui, à ce moment-là, le film est encore amusant. Tout le reste, c'est de la merde. Pourquoi j'ai vraiment été voir le film après? C'est parce que Daniel Harris est dedans. C'est vraiment juste pour ça. Puis, j'étais en amour par-dessus la tête quand j'étais avec elle. J'étais obsédé avec elle quand j'avais 8 ans, parce que j'écoutais Halloween 4 puis 5 non-stop. J'étais amoureux d'elle. Puis aujourd'hui, Chris, ici, il y a 15 ans, I'm gay. Puis, elle trouve ça bien drôle. J'ai raconté ça comme « Oh my God, Oliver! » Puis, je suis comme « Ben oui! » Mais c'est pour ça. J'ai été voir le deuxième au cinéma, que j'ai été voir le premier au cinéma, c'est à cause d'elle. Personnellement, c'était pour ça. C'était pour Sherry Moon? C'est pour Sherry Moon? Je l'ai trouvé pas mal cool. J'espère que Jordan n'écoute pas l'émission présentement. Je m'excuse, Jordan, mais House of 1000 Corpse, si je déteste ça qu'on se gagne dedans, genre, je suis pas capable. Non, attends, je vais défendre Jordan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'on a reçu Jordan, Monsieur Méchant Saint-Louis de l'Hôtel 54 aux Oubliettes la semaine dernière, qui disait que House of 1000 Corpse, c'est son film préféré. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour House of 1000 Corpse qu'Olivier. Là. Sherry Moon est plus belle que bonne. Il semble que je déteste pas Halloween 2 autant que vous. C'est un film... Rob Zombie, c'est toujours un divertissement cool, mais auquel il manque toujours quelque chose. Et là-dedans, je vais pas inclure House of 1000 Corpse et sa suite que j'ai beaucoup aimé. Devil's Reject. Merci. Que j'ai beaucoup aimé, mais tous les autres films qu'il a fait, il m'a perdu. J'ai l'impression que House of 1000 Corpse, c'est un film qui a mijoté dans sa tête pendant 10 ans. Puis après ça, ben là, c'est vite, un autre film. Fait qu'on se ramasse avec des films moyens comme 31, ouais. Qui est plutôt moyen, on va se le dire. Vraiment. Vas-y, Audrey. Par rapport à ça, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé House of 1000 Corpses et Devil's Reject. Ce que j'aurais à dire par rapport à Rob Zombie, c'est Rob, t'es pas obligé d'être white trash des films. T'es pas obligé de faire ça. Arrête. Ça marchait avec ses deux premiers films, mais après ça, ça marchait pas. Je trouve dans Halloween, non. Ouais, exactement. Tu sais, ces deux premiers films, c'était leur thématique, c'était leurs univers, c'était sa façon de faire. Après ça, ben, tu passes à autre chose. T'sais. Tu nous as prouvé que tu étais un réalisateur qui était capable de faire des trucs intéressants avec des personnages hauts en couleur. Ben, tu sais. Puis tu l'as dit, Simon, ces films-là, ça a sûrement été réfléchi longtemps, c'était ses premiers. Tu sais. Voilà. Ces personnages-là, ils les connaissaient, c'est sûr et certain. Là, il devait avoir des backstories sur ces personnages-là qu'on n'a même jamais vus. Un peu comme n'importe quel réalisateur ou auteur qui écrit son premier œuvre. C'est ses bébés. Là, puis après voilà. Ça, ben, tu te retrouves à faire des trucs que tu n'as pas pu faire ou travailler aussi longtemps ou que. Tu n'as pas eu autant de liberté, je sais pas, mais tout le monde dit que j'ai pas encore vu 31, mais tout le monde dit que 31 est un flop, ou en tout cas, ça semble pas très apprécié. J'irais pas jusqu'à dire un flop, mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir, disons. Genre, je l'ai vu, puis ça m'a pas fait tant d'effet, puis that's it. C'est pas un flop, mais c'est peut-être... Moi, je pense que son flop, c'est plus son film Hard House là, avec le de sorcière. Là. Ça, je pense que c'est plus. Ouais. C'est un film auquel on n'était pas prêt, là, je pense. Là. C'est un film qui a beaucoup de qualité, mais qui ne répondra pas aux besoins cinématographiques de tout le monde. Mais mettons qu'on retourne. Vas-y. Non, mais j'allais dire, je pense que si on voulait faire le procès de Rob Zombie ce soir, ce serait probablement Lords, qui serait comme le film où tout le monde serait comme. Parce que là, je vois Sylvain qui fait un non. Non, excusez, j'ai entendu Sylvain, puis c'est ça que j'allais dire. Je disais, oh non, attends, là, Sylvain, je dis pas que c'est un mauvais film ou un film de merde. C'est son meilleur mais film. C'est un film hard house. c'est un film hard house. Hard house, c'est pas pour tout le monde. Puis quelqu'un qui s'attend à un film d'horreur, c'est sûr qu'il va détester Lord of the... c'est pas pour tout le monde. Ça, on va surtout se si t'as aimé House of Thousand Corpses puis Devil's Reject parce que c'était trash. Ça n'a rien à voir. C'est Lord of Salem, tu vas faire comme... As-tu fini de faire de la radio? Là, je veux voir quelqu'un mourir. Mais avec Lord of Salem... Vas-y, excuse-moi, vas-y, je le pas. C'est correct, mais avec Lord of Sermon, Rob Zombie a délaissé sa gimmick de trash, puis de personnage vulgaire, puis crasse pour montrer qu'il était capable d'installer une vraie ambiance, puis d'avoir une vraie mise en scène. C'est ça, Lord of Sermon, c'est son film le mieux réalisé, puis qui a montré qu'il était capable d'avoir un véritable talent de metteur en scène derrière ça. Puis quand on revient à 31, où c'est la caméra qui shake d'un bord puis d'autre, t'es comme fuck man, t'es passé de Lord of Salem puis tu nous ramènes avec une caméra qui va dans tous les sens. C'est vraiment, pour moi, c'est régressé totalement. Là. Il avait évolué, je trouve, avec Lord of Salem, puis là, il retombe au bas de l'échelle avec 31. Puis je respecte un peu House of Thousand Corpses. Je trouve que c'est une œuvre très brouillon. Rob Zombie installe ses personnages, son style, mais en même temps, il se laisse trop influencer par ce qu'il aime du cinéma d'horreur, puis ça va dans tous les sens. T'as du Texas Chainsaw Massacre, puis vraiment, il se laisse juste influencer par tous ces gros classiques, tandis que Devil Reject, ben, il prend ses éléments de House, puis là, il l'installe vraiment dans un univers qui est plus propre à lui. Je trouve que Devil est vraiment un film vraiment supérieur à House, mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer House non plus. Là. Mais mettons qu'on revient à Halloween, hein, parce que je veux pas, faut parler d'Halloween 2. Moi, je me suis retapé le film cette semaine parce que je me rappelais pas de grand-chose, ce qui est mauvais signe. Quand je me rappelle pas d'un film que j'ai vu, en général, je résume par « ça doit pas être un bon film ». Mais, outre le fait que c'est un film oubliable, c'est un film qui m'a quand même diverti. Mettons qu'on résume juste à « ok, je regarde un film qui n'est pas rattaché à rien avant, qui n'a pas... » T'enlèves toute l'histoire d'Halloween avant, tu regardes juste, je regarde Halloween 2 de Rob Zombie. La seule affaire que je déteste réellement, c'est son concept de rêve avec le maudit cheval, puis Sherry Moon qui fonctionne pas, c'est une hallucination, ça marche pas. Ça, moi, c'est la seule affaire qui me fait décrocher du film. Pour le reste, je trouve que c'est quand même bien réalisé. Fait que j'avoue que j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui fait que c'est pas bon pour vous? Vas-y, Sylvain, tu parles pas beaucoup, fait que je veux t'entendre. Oui, Sylvain, on veut t'entendre. Non, mais attends, là, j'essaie de trouver l'élément qui marche pas. Pas facile, là, de même, là. Je vais dire, moi, ce qui m'a, en plus de ce que tu viens de dire, là, l'élément qui m'a vraiment tapé sur les nerfs, c'est qu'on dirait qu'il s'est fait reprocher d'avoir trop de sacres dans le premier. Fait qu'il a fait, oh ouais, vous aimez pas ça, les sacs, je vais en mettre comme 180 000. La scène de l'ambulancier qui vient d'avoir un accident de voiture puis qui passe littéralement 2 minutes à l'écran à ne dire que fuck, j'ai trouvé ça trop. Je veux partir de là, j'en veux plus. C'est parce que j'ai vu ce film-là comme un gros fuck you. Tu sais, Rob Zombie, là, il était fier de son premier Halloween. Là, il a lu les critiques des fans qui l'ont démoli. Fait qu'on dirait qu'il a pris tous les éléments que les fans haïssaient puis il les a décuplés. Tu sais, les fuck, le monde haïssait son Dr. Loomis en moins, mais checkez bien comment Dr. Loomis va être détestable dans H2. Pis c'est vraiment une merde, son personnage. Puis c'est ça, moi, qui m'a gossé de son film. Mais je suis capable d'y donner des points positifs. Le film possède une méchante bonne ambiance d'Halloween avec les décorations, puis la fête dans la ville avec les citrouilles, c'est vraiment cool. Puis le film, comme slasher, je trouve qu'il y a un côté très viscéral et très violent qu'on voit pas si souvent que ça dans ce genre-là, que j'ai trouvé quand même intéressant. C'est vrai. Son Michael Myers est très, très... C'est une méchante barrique qui rentre dans tout le monde. C'est une brute. J'aime beaucoup son idée de poursuivre, voir qu'est-ce qui arrive avec une final girl après les événements. C'est intéressant. Sauf que là, on a notre petite Laurie, tu sais, qui est une fille tout à fait bien normale, habillée normale, qui n'a pas l'air de rien d'autre. Puis dans le 2, son post-traumatisme, c'est qu'elle est devenue une métalleuse groupie. Puis, tu sais, c'est stéréotypé au match. Puis j'y croyais pas une seconde à l'évolution psychologique. Puis c'est ça le problème, parce que Halloween 2... semble beaucoup miser sur la psychologie de Laurie. C'est ça, tout le film avec le cheval blanc, ces choses-là. Puis c'est juste raté parce que c'est très mal incorporé. Je trouve que Rob Zombie, on dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire avec ça. Puis ça part dans tous les sens. Je vois Olivier rire parce qu'il est parti, on a mentionné Cheval Blanc et tout ça, et il revient et Steven parle de Cheval Blanc. Il doit se dire « Fuck, il a parlé de ça. » Je te jure, Olivier, on n'a pas parlé juste de ça depuis tout à l'heure. Okay. Non. Olivier, on est parti, ça a été une boucle jusqu'à ton retour. On voulait juste te remettre à l'aise. Quand on t'a vu arriver, on s'est dit « On va le mettre à l'aise, pas qu'il y ait l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. » Halloween 2, là, vraiment, là, ce qui m'a gossé. Sherman Zombie. C'est censé être un simili fantôme, hein, tu sais, un simili. Sa robe blanche, on voit les traces de couture. Ça me tape ses nerfs. T'es pas censé voir ça. Un fantôme, t'es pas censé avoir une robe. Je sais pas pourquoi, mais ça me tape ses nerfs. Elle, avec sa robe et le cheval blanc, avec l'éclairage. Perso, je pense que c'est son pire rôle. À vie, là. Ouais. The Devil's Reject était bonne. Elle était crazy. Ouais. Elle était bonne, mais... Mais The Devil's Reject, c'est le genre de film qu'on pourrait faire comme « Wow, j'en veux plus de Sherman Zombie. Ouais, » Mais, mais dans The Toolbox Murder, remake, Toolbox Murderers, Murders, whatever. Où elle se fait... Non, c'est pas elle qui se fait driller. Non, elle, c'est à coup de marteau. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas vu. Ça arrive au début. Il y en a une qui ça coûte drill. Je pensais que c'était elle. Puis la drill, il sort par la bouche. Puis je pensais que c'était elle. Mais non. Désolé. Ça vient de revenir. Mais comme non. Tu résumes Noël quand tu dis ça. Hey, j'ai le goût qu'on sorte un peu de trash parce qu'on va être tout sauf trash avec le prochain film. Hey, j'aurais tellement aimé ça le voir le prochain en plus. Là. Parce que je pense que, à moins que vous ayez vraiment quelque chose à acheter sur Halloween 2, mais je pense que Halloween 2, là, j'ai toujours vu ça comme une spirale et un trou noir dans lequel on ne peut que s'enfoncer et jamais en sortir. Jaser de tout ça, tu peux jamais faire comme OK, je pense qu'on en est venu à une conclusion. C'est juste, ça prend quelqu'un qui fasse comme OK, gang, on passe à autre chose. C'est bon, je pense que tu as raison là-dessus. Mais je pense qu'on devrait quelque chose à dire. Oh oui, Audrey, okay. Audrey, Audrey dit quelque chose. Non, c'est un ordre. Hi, Halloween 2. Ah, ok. C'est bon. Never. Bon. Mais écoute, Audrey, de toute façon, c'est toi qu'on va vouloir entendre parler parce que l'autre film, c'est ton choix. Tu nous as proposé Ronnie Claire's there were And Then There Were None. Les 10 petits nègres. Oui. Les 10 petits indiens. Ok. Fait que je résume? Vas-y. Ok. Bon, ben, c'est And Then There Were None, c'est l'adaptation du roman du petit nègre de Agatha Christie, qui s'appelle And Then There Were None en anglais. Puis c'est l'histoire de 10 personnes inconnues l'une de l'autre qui sont invitées à passer une fin de semaine sur une île en tant qu'amies d'un ami ou employées d'un mystérieux bonhomme qui s'appelle Monsieur Owen. Et là, ces personnes-là ne se connaissent pas personnellement et ils dès la première soirée sur l'île, ils commencent à se faire éliminer un à un. Et là, ils se demandent, est-ce que le meurtrier est caché à quelque part sur l'île ou est-ce que le tueur est l'un d'entre nous? J'ai une petite question. Est-ce que je me trompe ou la version française du titre du livre de Agatha Christie, c'est Les 10 petits nègres? Oui, c'est... Supposément, Sébastien dit que sa mère a une édition qui s'appelle 10 petits indiens, mais même le ne reconnaît pas l'existence de ce titre. Fait que je pense que sa mère, c'est la seule personne qui fait ça. Là, mais non, mais après t'en avoir José Audrey, je pense que je me suis juste trompé avec le fait que mon DVD s'appelait Les 10 petits indiens, puis dans ma tête, j'ai gardé cette image-là. Mais je pense que ça a 10 petits nègres. Ouais, 10 petits nègres, c'est pas approprié comme titre. Puis indien non plus, appelé Première Nation indien non plus. Fait que moi, ma suggestion, ça serait qu'ils changent le titre en français. Là, faudrait que. Si on est. Because it's 2016. Mais quand tu regardes sur Wikipédia, la chanson originale, la comptine originale qui est mentionnée dans le film s'appelait 10 Little Niggers. Excuse-moi, je perds la voix. Puis après ça, puis le titre du roman, c'était 10 Little Niggers. N-word. Puis après ça, ils ont changé pour 10 Little Indians. Puis pour la pièce de théâtre, je crois qu'elle a adapté de son roman, c'est « And then there were none », parce que c'est la dernière phrase de la fameuse comptine. Ouais. Pendant qu'on parle de censure et tout, je veux dire que moi, j'ai pas vu ce film-ci, malheureusement, mais j'ai vu la mini-série sur BBC. Puis elle est vraiment très bonne, je la recommande. Puis je veux juste dire... Pareil, je l'ai lu, ça fait vraiment trop longtemps, le roman, mais je voulais juste dire que dans cette série-là, quand ils lisent le poème dont tu parles, Jean-François, ils disent « Ten little soldiers ». C'est des petits soldats. Puis à noter que c'est ça que, tu sais, Agatha Christie a adapté son roman en nouvelle. J'ai jamais lu le roman, j'ai jamais lu la pièce de théâtre. Pas adapté en nouvelle, mais adapté en pièce de théâtre. J'ai jamais lu ni l'un ni l'autre. J'ai juste vu le film aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Elle a adapté son roman et ça finit différemment dans la pièce de théâtre. Et ça finit... La pièce de théâtre se termine comme le film. Et on en parlera éventuellement, là. Oui, évidemment, parce que ben, sait qu'il y a plusieurs versions de la finale. Oui, en fait, si je peux faire une proposition, si on parle d'adaptation de cette nouvelle-là, moi, j'ai adoré la version de Robert Morin, un film québécois du grand réalisateur Robert Morin qui en a fait une adaptation. J'ai trouvé le titre ici, justement, parce que c'est quand même assez vieux. 1988, il a réalisé La Réception. Puis c'est une version québécoise de cette nouvelle-là. Puis c'est vraiment très bon. C'est pas ça. Il y a aussi... Ah, cool. En 2000, quelque chose, il y a Identity avec John Cusack, qui est une adaptation moderne de ça. Oui. En effet, ouais. Ouais, un peu de ça, oui. Mais c'est, dans le fond, c'est que l'idée générale du film est tellement facilement transposable dans plein de contextes, tu sais, c'est ouais, tellement intéressant. Hein? Bay of Blood, pour moi, c'est un petit peu un hommage à Agatha Christie, pour ceux qui l'ont vu. Non? Oh, je l'ai vu. Okay. J'ai vu Bear Blood, mais je connais pas vraiment Agatha Christie. Je suis pas très bon avec ses œuvres. De se retrouver sur une île, puis chaque personnage. Non, ouais, ça fait très Bear Blood là. Ben, ça fait très aussi House on Haunted Hill, qui est un peu ça l'histoire un peu. Puis ça fait aussi Sylvain va le dire aussi, ça fait Clou. Oui, ça fait très Clou. Oui. Un film que j'ai adoré aussi, des instants des disques, que peu de monde parle souvent, c'est Murder by Death, avec Peter Falk et Peter Sellers, qui est très très bon. C'est une comédie, c'est une parodie de ça. Et aussi un film de 2009 qui s'appelle Dark and Stormy Night, du même gars qui a réalisé The Lost Skeleton of Cadavra, qui est une parodie de ce genre de film-là. Dark and Stormy Night, c'est super drôle, ça date de 2009, c'est vraiment pas connu, mais c'est super drôle, c'est exactement une parodie de ce genre de film-là. Anyway, parlons du film... Mais oui, c'est ça, oui, parce que, écoute, on pourrait se perdre dans toutes les versions. Puis toi, Audrey, dans le fond, tu nous l'as suggéré parce que c'est un excellent trailer. Ben, je suis amatrice de films et romans policiers et meurtres et mystères. Ce film-là, je l'ai vu à peu près 10 fois. Pour moi, c'est un classique. Et aussi, c'est sur le domaine public, fait que je voulais suggérer un film que les gens pouvaient facilement voir. C'est pour ça. Effectivement. Effectivement. Puis de tous nous qui l'avons vu, moi je l'ai vu. Jeff, tu l'as vu et Audrey l'a vu. Moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est souvent dans ce genre de film de whodunit, là, tu sais, où il faut que tu enquêtes puis que tu devines qui l'a vu. Celui-là, si quelqu'un me dit ouais, je pense que j'avais deviné à la fin, fuck you. Impossible. Non, c'est juste impossible. Tu sais, là, non, là, tu me mens en pleine gueule, tu me prends pour un cave, unfriend, merci, bonsoir. Mais, non, sérieusement, c'est ça, la beauté de cette histoire-là et de ce film-là, c'est que le film aime jouer avec toi, tu sais, à toujours faire comme, je pense que c'est lui, non, je vais le tuer. Je pense que c'est lui, non, je vais le tuer. Même comme Annie, t'en es rendu que tu fais comme, ben, je pense que c'est lui qui va mourir d'abord. Tu sais, là, t'en es rendu à te dire, bon, ben, c'est un tel que j'ai soupçonné, c'est la prochaine personne qui meurt, c'est sûr et certain. Fait que ça devient le jeu du film. Et c'est vraiment intéressant pour ça. Puis il y a vraiment des scènes vraiment trippantes où il y en a un qui parle dans sa chambre pendant que l'autre qui parle le regarde dans le trou de la serrure, mais lui, il y a quelqu'un d'autre en arrière qui le regarde par un trou de serrure, puis il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le regarder dans le trou de la serrure. Fait que tout le monde est tout en train de se dire « Lui, il est louche. Moi, mais lui, il est louche. Lui, il est louche. » Mais toi, t'es un peu comme le big picture en disant « Non, ils sont pas louches, là. C'est... Le film, il est très humoristique. Comme l'histoire en tant que telle, il n'est pas du tout. Mais ce film-là, c'est un peu humour noir. T'sais, un moment donné, ils sont en train de parler d'un personnage en disant comme pour telle raison, je pense que c'est lui. Puis dans le fond, il est mort. Puis nous, on le voit à côté d'eux qui est mort pendant qu'ils en parlent de lui. C'est ça, tu sais. Mais dès le départ, c'est très cartoonesque. Tu sais, t'as des personnages, je sais pas, ils ont des faces des fois qui sont très cartoon. Puis juste au début, dans le bateau, tu sais, le gars qui mange son sandwich, puis t'as l'affaire du foulard, puis tout. C'est très comique au début, dès le départ, dans les 2-3 premières minutes. Tu vois tout de suite que c'est le ton, ça va être de l'humour, tu sais. L'humour noir. Oui, puis il y a des trucs qui me viennent en tête, puis ça serait des punchs, fait que je veux pas les dire, là, mais vraiment des répliques savoureuses. Ce que tu fais comme. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a été dire ça. Là. C'est vraiment... On s'amuse. Puis il y a comme des clans qui se forment entre eux autres, comme des duos de personnes qui... Je te trosse, tu me trosses. OK, cool. Puis là, tu te dis, ouais, mais il y a du monde là-dedans qui sont en train de se faire jouer d'eux. C'est du gros bonbon. Et c'est une bonne version de l'histoire, même si c'est la première qui a été faite pour le cinéma. C'est une très, très bonne. Vraiment, là, moi, je l'adore. Les personnages sont gros, c'est ça. Ça fait très penser à Clou. Puis la façon qu'ils se présentent au début, tu sais, quand ils disent « Je suis Philippe Untel », mais ils regardent toute la caméra, genre « Bonjour, je suis lui ». Puis là, ils sont tous dans un salon en train de se parler, puis ils disent oh, « T'es qui, toi ?» Puis là, mais ils disent tous leurs noms en regardant la caméra, puis en faisant une petite pause, tu sais. Il y a de quoi, parce que... Le film sait qu'il est un film, puis il s'amuse avec ça, tu sais. Il prend pas son histoire au sérieux, mais prend son intrigue au sérieux. Mais on dirait qu'il allège ça pour qu'on soit juste en train de passer un super bon moment. Ouais. Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à dire sur les 10 petits nègres? Mais, on va le dire. Honnêtement, moi, j'étais un petit peu déçu par la fin, parce que j'ai lu par après qu'est-ce qui se passe un peu dans le roman. J'ai pas lu le roman, mais j'ai lu sur Wikipédia. Oui. Je suis comme... J'aurais préféré ça. J'aurais préféré la fin du roman. C'est plus macabre dans le roman. Sérieusement, je trouve ça vraiment macabre. Trop léger, trop Hollywood, Hollywood ending. Oui. Là, c'est comme... Non. Mais je me demande, c'était en quelle année, And Then There Were 45. None? C'est 45. Est-ce qu'on était dans dans l'acte là, qui disait... Okay, on avait parlé de 33. Ce que tu parles, c'est arrivé en 33, fait que oui. Ouais, hein, c'est ça, là, le astro, je l'avais, là, le... qui disait le crime ne doit jamais vaincre à la fin ou quoi que ce soit. Là, ben d'ailleurs, je vais en profiter. Je prépare une conférence là-dessus qui va être présentée le 20 octobre à Saint-Jérôme, Grindhouse, la folle histoire du cinéma d'exploitation. Puis oui, ce que tu parles, la réglementation, les années Breen, dans le fond, ça, c'est arrivé en 1933 jusqu'à 1954 à peu près, où Hollywood n'avait pas le total contrôle de ses productions ou ce qui devait rester respecter un code de la décence. Ouais. Et c'était justement, juste pour qu'on comprenne bien, c'est justement pour éviter le carcan hollywoodien de ce code de la décence que le cinéma d'exploitation tranquillement est né. Cool. Mais tu vois, j'ai le feeling que cette finale-là du film est un peu due à cause de ça. Parce que à cause de ce code-là aussi, la fin, tu sais, vous aviez couvert... Bah, Rhoda. Ouais, c'est à cause de ça que la fin est différente dans le film. Exact. Ce que j'ai compris de Wikipédia, c'est qu'un des personnages de And Then There Were None, dans le roman, son crime dont il est coupable dans son passé, c'est d'avoir subi un avortement, je crois, d'avoir tué un enfant, donc. Et ça, c'est, il n'en parle pas dans le film. Dans le film, parce que les meurtres d'enfants... L'idée d'un avortement, tuer un fœtus, c'était... Non. Non, c'est quand même vraiment intéressant. Hey, sur ça, on a passé à travers de toute la liste, gang. Non. Moi, ce que je propose... on n'a pas fait celle-là d'aujourd'hui. Ouais, t'as pas fait celle-là d'Olivier, puis il était... Non, je l'ai pas visionné. Ben, je l'ai, là. J'ai la VHS ici, mais je l'ai déjà vu. Non, là, on peut se le repousser la semaine prochaine. Là. Ben oui, c'est ce que je pense. Parce que moi, je m'en allais l'écouter après. Ah oui, exact. Bon, parfait. On fera ça. Cool. Mais j'ai quand même le goût qu'on prenne une petite pause musicale, encore une fois. Et je peux te la suggérer? Hein? Oui. Je veux suggérer la toune. Vas-y. Tu sais, c'est la toune que quand je te l'ai suggérée, t'as dit « Ah, pour vrai? » Regarde, dis-les, là, regarde, on est live, là. C'est trop tard, je m'impose. C'est pour moi la toune la plus kitsch sur le cinéma d'horreur qui existe. C'est un vieux Scopitone, j'ai pas l'année. Mais on parle dans le temps, ceux qui savent de quoi je parle quand ils disent Copy Tones, là. C'est une vieille tune rétro. Là. Puis ça va fitter justement avec Monster Mash qui est joué précédemment. Stella avec sa chanson Le Vampire, une vieille tune de rock'n'roll en français où ce qu'elle chante Si tu veux gagner mon cœur, ramène-moi voir un film d'horreur. Wow! Okay. Bon ben, peu importe ce que vous pensez, mais on retenez cette phrase-là et c'est ce qui est important. C'est Oli qui me juge. Oli me connaît. Hein. Il a le droit de me juger. On s'en jase après et. On verra si c'est une conclusion ou juste un autre ad lib parce qu'on en a vu d'autres des films. Peut-être qu'on va avoir le goût d'en jaser. Donc, on s'en va après Stella et les vampires. Yes. Cool. Pour frissonner même en été, j'aime le sang qui coule le soir au fond des bois. J'aime entendre les cris des victimes que l'on noie. Mais attention, quel est ce bruit? Un volet claque, mais dans le ciel. Si vous voulez faire mon bonheur, arrangez-vous pour que j'aie peur. Quand j'apprenais en classe l'histoire des rois de France, c'était vers ce bon Louis XI qu'allaient mes préférences. C'est lui qui a lancé l'usage de mettre ses rivaux en cage. Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve à mon prince charmant, il n'aura pas besoin d'être beau, d'être grand. Pourvu qu'il soit anglais et chanteur, je resterai dans le domaine de l'horreur. Et comme cette histoire doit finir, salut, je vais retrouver mon vampire. Ça fait plus d'une heure qu'il m'attend. Il doit se faire du mauvais sang. Du mauvais sang. Du mauvais sang. Du mauvais sang. Du mauvais sang. Du mauvais sang. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, pas merci, Simon, pour cette pas excellente suggestion, mais c'est correct, on t'aime quand même. Mais voyons, moi, j'aime bien les films d'horreur. C'est correct. Il y en a des pires que ça. Mais là... Oui, c'est moi qui vais les amener la prochaine fois, les pires. C'est ça. Actuellement, on ferait une conclusion, puis on passerait à autre chose, mais j'ai quand même le feeling que les gens ont encore le goût de jaser. Puis sur le chat en ligne, on est encore 17 personnes. Je pense qu'on n'a jamais eu ça. C'est quand même très, très cool. Audrey, tu nous fais des gros bye-bye? Ben non, je fais allô aux amis sur le chat. À chaque fois qu'elle fait allô à quelqu'un sur le chat, finalement, on pense, hein, quoi, t'as quelque chose à dire? Hein, tu t'en vas? Hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on fait tout des allôs, là, regarde, au monde sur le chat, là, qui sont encore là. On fait des bye-bye avec nos mains, là. Ils vont être vraiment contents. Yeah! Bonjour, c'est malade. Mais donc, c'est ça, on avait encore le goût de jaser, puis ça a l'air qu'on n'a pas été sage, puis on a dérogé de la liste pour certains soirs. Donc, bon, on a le goût de vous jaser de ces films-là qui ont été nos films illégaux et qui ont transgressé les règles. Mais, non, sérieusement, je pense qu'on a eu soit des belles découvertes ou on a réécouté des favoris qui sont habituellement sur nos listes du mois d'octobre. Et j'ai Steven qui a l'air d'avoir hâte de jaser. Non, en fait, j'ai plus envie de dire, c'est drôle, hein? J'ai délaissé Thesis, par exemple, qui est un film qui semble super intéressant pour un autre film, mais j'écoute Bonnie Man. Je cherche la logique là-dedans. Pourquoi t'as pas pris ton film et tu l'as pas mis l'histoire de Bonnie Man, man? Malgré que, sais-tu que si t'avais pas écouté Bonnie Man, il y aurait eu personne ici d'asseoir pour en parler. C'était correct. T'en as pris une pour la gang. Puis pour ça, Steven, je te laisse le droit de parole pour ton premier film, ou en tout cas un des films que t'as vu qui t'a intéressé. Ben, je vais y aller vite parce que c'est moi qui étais juste très en retard sur celui-là, mais je me suis tapé les deux Village of the Damned. Carpenter, c'est lui que j'ai vu en premier, j'ai vu souvent quand j'étais jeune, mais j'avais pas vu l'original. Puis là, ça a donné que au tigre géant, j'ai trouvé dans une bin à 2$. Difficile un de pas tigre s'occuper. Géant! Oh! Est-ce que ça paraît que t'habites pas à Montréal? Il y en a pas de ici. Mais sinon, l'histoire est c'est assez similaire. Finalement, je me suis rendu compte à quel point que le remake de Carpenter est quand même très fidèle à l'œuvre originale, à part certains points que modifiés, qui sont quand même intéressants. Et moi, j'ai vraiment adoré, sans surprise, le film original. Je trouve que, contrairement à celui de Carpenter, celui-là possède une ambiance vraiment unique, très féerique. Surtout avec son noir et blanc, ça apporte vraiment quelque chose de gros. Et le film, il y a un drôle de rythme. Que les choses se déroulent quand même assez bien. Par moments, je trouvais que ça allait trop vite sur certains détails. Puis finalement, je me suis dit, oh non, OK, ça, finalement, le rythme trouve son sens puis ça fonctionne bien. J'ai adoré son casting. George Sanders, Barbara Shirley. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur eux. J'ai vraiment adoré ça. J'aime beaucoup aussi le casting d'enfants. On parlait que des enfants à l'époque étaient peut-être moins bons ou typés dans un style qui était propre à cette époque-là. Dans celui-là, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien. Là, le petit David, qui est celui dans celui-là, c'est lui la tête du groupe, tandis que dans le remake, c'est la jeune fille. Mais j'ai vraiment adoré le groupe de jeunes. Il y a des petits points qui m'ont un petit peu agacé, dans le sens des réactions de personnages que j'ai trouvé un peu ridicules. Tu sais, t'as comme la scène où que tout le village tombe dans le genre de coma, endormi, pour une raison X qu'on connaît pas vraiment. Et là, les policiers font une genre de ligne de démarcation qu'à partir de là, les gens tombent dans les pommes. Fait que là, ils testent avec des policiers qui sont allés, ils ont tombé, ils retentent avec le gars avec la corde. Puis à un moment donné, ils demandent au gars qui est en train de conduire un avion, « Hey, ça te tente-tu de descendre un peu plus bas au-dessus de la ville? » Puis si jamais tu vois quelque chose de bizarre, ben, du lait. C'est parce que, tu sais, littéralement, il est conscient que le policier va s'endormir, le pilote va s'endormir puis s'écraser. Tu sais, c'est une scène que j'ai trouvée complètement ridicule. Il aurait pu éviter la mort de ce personnage-là. Fait que je trouvais ça illogique, là, dans le film. Et j'ai trouvé la finale moins halvante que celle-là de John, parce que je trouve qu'elle se termine beaucoup trop vite. Je pense que c'est comme 40 secondes, la finale, elle dure avec la bombe dans le sac. Tandis que ça, Carpenter, la scène, elle dure un bon 3-4 minutes, puis il prend le temps d'étirer son suspense. Il y a un bon suspense, c'est vrai. Ouais, un vraiment, bon suspense. Hein. Puis je trouve que c'est ça qui manque un peu à l'original. L'original a de meilleure ambiance, mais il y a un manque de suspense, je trouve, vu que les scènes sont garrochées. La fille qui va se mettre le bras dans l'espèce de chaudron d'eau bouillante, elle est vraiment garrochée dans l'original, tandis que dans l'autre, on a vraiment un build-up, puis la fille est sur le bord tranquillement de mettre son bras. T'sais, on a le temps de filer la scène, puis c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, mais sinon, en tant que tel, j'ai rien vraiment à redire. C'est une histoire, moi, qui me fascine. Je la trouve originale, cette histoire-là. Je l'adore. Puis dans les deux versions, je trouve qu'elle est bien racontée. Puis même si le film de Carpenter, c'est pas son produit final qu'il voulait totalement, vu qu'il y a eu des problèmes de budget, de production, il est quand même satisfait. Puis je trouve que c'est un bon remake qu'on parle pas si souvent que ça, qui est bien, qui est fidèle, puis qui apporte des nouveaux points intéressants, comme l'avortement, tu sais, qui n'est pas vraiment mentionné dans l'œuvre originale, mais c'est un point qui est intéressant. Ou le fait que dans le groupe, il y en ait un qui ne soit pas totalement un monstre comme les autres, le petit David, le fait qu'il est capable de ressentir des émotions, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Puis Christopher Reeve, le casting dans le remake est super bon. Mark Hamill en prêtre psychotique à un moment donné, là, je l'ai beaucoup aimé aussi là-dedans. Honnêtement, moi, c'est deux films que j'aime beaucoup de façon assez égale et je respecte beaucoup ces deux œuvres-là. Je suis vraiment content d'avoir découvert l'original, enfin. T'as pas nommé Kirstie Alley, voyons. Oui. Qui est dans Scream Queens, la deuxième saison cette année. Oui. Ah ouais. Oui, je l'ai vu. Non, ça a l'air d'être une crise de biche là-dedans. J'ai sacré. C'est boy. On s'en fout tellement. Mais je comprends ce que tu disais. Moi, je suis pas un grand fan du remake de Carpenter. Il y a eu un... Je me souviens encore aujourd'hui quand le film est sorti au cinéma, le CGI commençait à sortir et les yeux des enfants. Dans la bande-annonce, je me souviens encore à la télévision que je voyais, l'enfant, c'était là-dessus. Mara, qui est Lindsay, je ne me souviens plus trop quoi, qui est sur mon newsfeed, qui est dans mon Facebook, qui est super fine, qui joue dans Shroom. Tout le monde sur Facebook, lui. qui joue dans Shroom, entre autres. Moi, quand j'entends des personnes me dire « Ah, j'ai mieux mis le Village of the Damned », je leur dis « Écoutez, Children of the Damned. Mm-hmm. » Moi, j'aime mieux Children of the Damned. Oui, c'est intéressant, Children. Ça nous amène ça ailleurs, l'histoire. C'est quoi exactement? Puis le principe est pareil un peu. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Mais c'est plus politique dans un sens, parce que des enfants sont partout dans le monde. Et, exactement. C'est intéressant, c'est pour ça. Exactement. Mais c'est quoi celle-là, Children of the Damned? C'est la suite. OK, c'est pas marqué Children of the Damned sur ma pochette, c'est pour ça. Ben, non. Dans ton coffret, oui. Le coffret que tu as pris en photo, c'est ça? C'est un autre film, carrément. Oui, mais j'ai les deux sur le DVD, mais c'est pas le titre que tu viens de me nommer, c'est comme ces enfants venus d'ailleurs ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça, c'est Children of the Damned en anglais. Oui. Children of the Damned. OK, je savais pas que c'était ça en anglais. Mais moi, j'ai mieux aimé personnellement celui-là. J'ai aimé Village of the Damned aussi, l'original. Le remake n'est pas un mauvais film, c'est juste que Carpenter... vers la fin où ça devient vraiment alien, ça devient un truc d'alien. Ouais. C'est plus explicite. Oui. Ouais, il explique bien beaucoup. C'est plus explicite du côté d'explication que c'est ça, mais comme j'ai toujours mieux aimé, peut-être que je l'ai vu avant, peut-être que c'est juste ça. C'est pas un mauvais film, mais le remake de Carpenter a jamais été... ça n'a jamais été ma tasse de thé plus qu'il faut. À part les yeux, j'étais fasciné par les verres de contact quand j'étais petit. Je voulais avoir des yeux jaunes, moi aussi. Quand je voyais la bande-annonce à la télé, genre, je veux avoir des yeux comme ça. Tu sais, quand t'es kid. Mais tu sais, je suis conscient que c'est pas... Tu sais, je mettrais même pas ça dans mon top 5 des meilleurs films de Carpenter. C'est pas dans ses meilleurs films. C'est juste que j'ai trouvé qu'à la base, en tant que remake, je trouvais que ça faisait la job puis c'était quand même compétent, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est peut-être juste le fait que j'ai vu cette version-là très jeune, puis je l'ai vu souvent. Ouais. Fait que j'ai grandi avec la version de Carpenter. Fait que si j'avais grandi avec l'autre, probablement j'aurais préféré l'autre. Là. C'est normal. Oui, ça plaît ça. Je veux juste dire que j'ai éclaté de rire parce que ce que tu disais, Olivier, ça m'a rappelé que quand j'étais petit, je voulais faire partie d'une ligue de baseball parce que j'avais vu League of Their Own. c'est ça l'anecdote. C'est pas la même chose. Tu voulais être ami avec Rosie O'Donnell. Non. Tu voulais que ton coach soit Tom Hanks? Non, je voulais vraiment être chum avec Gina Davis. Elle est tough. Moi, j'avais le béguin pour l'autre, là, la petite un petit peu plus fragile. Je me souviens pas son nom. Laurie Petty, ben oui. Tank Girl. Ouais. Personne parle de Madonna, c'est drôle. Mais bon. Ah ben gars, Olivier, t'étais bien parti. Toi, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine qui a dérogé de la liste, qui est comme ton... Ben, je veux pas que tu nous en fasses énumération, parce que de ce que je comprends, il y en a eu beaucoup, mais Granny, qu'est-ce que... Est-ce que tu veux que je parle de mon film cette semaine ou que je parle de ce que j'ai joué chez Non, non, non, de ce que qu'est-ce que tu as écouté cette semaine qui n'était pas sur la liste, là, que tu fais comme, garde ça, il faudrait que je vous le dise. Wow, attends. Cette semaine, il y en a beaucoup. Je m'excuse. On sait que tu as encore écouté un téléfilm de Daniel Steele. Là. Je sais que t'aimerais ça, Simon, mais non. J'avoue que j'aurais vraiment aimé ça que tu me dises. Écoute, je te laisse y penser, Olivier. Crash. J'ai écouté Crash cette semaine. Ça faisait longtemps. Pas Crash de David Cronenberg. OK. Ça n'a rien à voir. Non, l'autre. Parce que, tu sais, on m'a dit, Olivier, quand tu as parlé des films, parle de films qu'on peut retrouver. Ce film-là, on ne peut pas le retrouver. C'est une version, c'est un bootleg VHS qu'un de mes amis, Jason Stout, m'a envoyé des années de ça, qui est un genre de carry. Et c'est vraiment Crash. Si vous cherchez, c'est Crash avec un point d'exclamation. c'est l'histoire d'une fille dans un accident. C'est un peu comme un genre de Patrick de 1979. Le film australien Patrick, mm-hmm. qui ressemble beaucoup à ça. Genre. Donc, c'est une fille qui est dans le coma, qui provoque des accidents avec son conscient. Genre, et quand elle devient un petit peu comme possédée, elle a les yeux rouges. Puis, tu sais que dans ce temps-là, je pense 1977, tu sais, des verres de contact, c'est ça, des pets, là. OK, fait que c'est encore les verres de contact, là. C'est encore ça, là, c'est ton... Ah, oui. La fixation, là. Ouais, c'est vrai que ça semble être la fixation d'Olivier ce soir, les verres de contact. Il y a ça, là. Je voulais avoir des yeux de même. On va t'en acheter, putain. Il y avait les verres de contact dans Sometimes, des Come Back Again, puis... J'ai vu ça cette semaine. J'ai écouté, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. C'est un TV movie. Il n'y a personne que je me souviens vraiment connu là-dedans. Mais c'est un film, c'est creepy. C'est creepy. C'est un Patrick au féminin. J'aime plus les femmes dans le milieu de l'horreur. Je suis un petit peu comme un Care. Simon et moi. Carla Janice. Oui. Là-dessus, j'aime ça. Je suis un fan des femmes fortes. Je suis un fan des puis Crash, si vous ne l'avez pas vu, qui est un hybride vraiment de Patrick, Summer of Fear, de Craven. J'ai écouté ça cette semaine, entre autres. C'est ça qui me porte dans la tête. Parce que comme ça joue tout le temps à moi, j'aime pas. Première chose que vous devez savoir de moi, c'est que j'aime pas le silence dans la vie. Quand je rentre chez moi, j'écoute pas de la musique. Il y a un film d'horreur qui joue en background, non-stop, même un film que j'ai vu un million de fois. Il y a tout un film qui joue. Là, non. Mais là, c'est le menu. Mais il y a toujours un film qui joue chez nous. Fait que cette semaine, Crash, 1977. Très bon film qui est pas fait en DVD, à ce que je crois. C'est très bon, c'est de valeur. Mais j'ai écouté ça. Je peux pas parler de personne avec qui. C'est ça. Écoute, essaye au moins de sur la page de 31 jours d'horreur, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont t'avoir écouté puis ils veulent absolument savoir c'est quoi. Essaye au moins de trouver la page IMDb ou quelque chose comme ça. Puis tu me la posteras, on veut savoir. Je vois que c'est réalisé par Charles Band, le gars derrière la compagnie Full Moon, fait que c'est quand même pas n'importe qui, là, oui. C'est Charles Band. C'est du Charles Ben. Puis il y a un acteur là-dedans qui est assez connu, mais je peux pas dire dans quoi je l'ai vu, mais José Ferrer. John Carradine. John Carradine, ben, c'est vrai. Écoute, t'as raison. Écoute, c'est un petit film, c'est de valeur. Je trouve ça plate qu'il y a des petits films comme ça, qu'il n'y a pas. Une petite sortie DVD. Disponible en vidéo sur demande. Quelque chose de même. Juste pas lire l'image, redonner ça au public parce que c'est des bons petits films. Un paquet de petits films comme ça. Maintenant, vous savez pourquoi je ramasse encore les VHS. Mm-hmm. Fait que j'ai écouté, entre autres, Initiation. J'ai écouté Tower of Evil hier en faisant mon passage. Qu'est-ce que d'autre? J'écoute chaque jour, je m'excuse. C'est bien, hein, ouais. Mais non, c'est cool. Ça joue, je pense que juste ça, c'était une excellente suggestion. Puis il y en a pas mal qui vont essayer de le trouver. Là. Puis je pense que ça va rester en tête pour plusieurs. Il y a Marc-André Rondin qui était sous son arrière d'Audrey, genre, on dirait. mais d'ailleurs, c'est bon que tu nous envoies vers Audrey, parce que Audrey qui m'a fait la suivante, parce que ça va être la première à nous dire bonne nuit ce soir. Ouais, donc... non, parce que chez mon chum, il a été comme très patient, parce que ça fait 3 heures qu'on parle, puis j'ai pas qu'on écoute notre film de ce soir. Fait que j'ai allé en rafale. C'est quoi le film? Pardon? Excuse-moi, c'est quoi le film de ce soir pour le fun? C'est quoi, ben? Ah, ok, elle suit la liste correctement. Ah, c'est Rabbit Granny, ça va écouter Mémé Cannibal. Ah, ok, j'ai rien dit. Laisse faire Audrey. En français, tu l'écoutes? Ah, ben, ok, Olivier. Olivier, tu l'as pas vu tantôt. J'écoute pas ça. Ok, ben, c'est la version que Sébastien te montre en français, c'est celle-là qu'il faut que tu écoutes. Sinon, la version Je pense qu'il est sur YouTube. Ah, j'ai pas dit ça. Il y a eu des commentaires aujourd'hui qui disaient « Ah, Rabbit Grannies, moi, Trauma pour moi, je sais pas trop qui a dit ça, j'aime pas ça, whatever. » C'est pas un film Trauma. Non, c'est moi, c'est un film distribué. C'est pas un film Trauma, ça n'a rien à voir avec ça du tout. C'est le fun au bout. En français, les dialogues. C'est un film français traduit. C'est un film français qui était réalisé en anglais, mais que c'est des Français. Fait que la traduction, c'est vraiment de la merde en tant que tel en anglais. Écoute-le, en français, c'est drôle. Okay. Ce qu'il dit là-dedans, c'est gore. Il y a des scènes. Des scènes malades. Je pouvais pas. Mais non, tu sais bien qu'à soir, elle va aller écouter Boyhood. Là. C'est super bon, c'est l'histoire d'un enfant. mais non, Audrey, vas-y avec ce que tu as visionné qui vaut la peine d'être mentionné. Je vais y aller vite. J'ai écouté The Shallows avec Blake Lively, le film des requins, parce que tous les documentaires, c'est comme Shark Week ou les films fictifs de requins. T'sais, j'ai même écouté tous les Sharknado, je tripe là-dessus. si, comme moi, vous connaissez vos requins, vous allez trouver ça un peu pas réaliste. C'est pour requins. Si vous connaissez la meilleure phrase aujourd'hui. Attends, on va faire une mention spéciale à Audrey. Ça, c'était la meilleure phrase aujourd'hui. Là. Si vous connaissez vos requins. Ouais. Fait que c'est divertissant, mais c'était pas super réaliste. La star du film, c'est pas Blake Lively, c'est une mouette. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre. Ok. J'ai vu une salle de cinéma vide. J'étais seul à 5h30 pour écouter ce film-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je m'étais quand même fait un peu dire de faire attention parce que il y a certains moments qui sont juste over the top, mais j'ai vraiment eu du plaisir. Moi, malheureusement, la seule fois où j'étais seul dans une salle de cinéma, j'étais avec une fille, fait qu'on n'a pas vraiment regardé le film. On avait du pain en plus. T'as-tu dit malheureusement? Je me souviens. Non, mais là, on parle de cinéma. Là. C'était Dumb and Dumber 2? Oui, avant qu'ils sortent. Il y avait une pré-première, puis les gens ne le savaient pas. Malheureusement, parce que la fille est en train de se faire une gâterie, mais lui, il voulait écouter le film, c'est comme fuck à votre mais là, Dumb and Dumber 2, tu veux-tu même crier ses patiences, femme? Bon, vite, Audrey, récupère-le. Coupe-moi. J'ai vu dans ma shameless pour la première fois, j'avais jamais vu Suspiria. On n'a pas besoin d'en parler parce que je sais que tout le monde, à part moi, l'avait vu. Steven, on a écouté, ben pas ensemble, mais le même jour à distance, Purge Election Year. Apparemment. Ah, j'ai hâte ça. Je connais pas. J'ai entendu The Purge. De quoi? Ah, The Purge 3. Ok, The ouais. 3. Mais j'ai pas vu le 2, mais apparemment il était à chier. Puis ça, le 1 est encore pire. Je sais que c'était bon le 3. Mais non, Ali. C'est juste pas pour toi. Le premier. Quoi? Le premier. C'est correct. Moi, j'ai un petit robot, je veux... Non. Mais le 3, ouais. Il me tente, j'ai hâte de le voir, le 3. Moi. Election Years, il y a une crise de bonne cote aussi. La pochette est cool. C'est bon, non, je pense pas pour Olivier, clairement. Puis le dernier que j'ai écouté, sans suivre la liste, c'était Dead Snow. Le film des nazis zombies. Oui. J'avais vu le 2 à Fantasia, mais j'avais pas vu le 1. C'est super effrayant, c'est drôle, c'est efficace. Ah oui. C'est comme un fest dans la neige. C'est le fun. Oui. Le même réalisateur a fait Hansel et Gretel entre les deux films, c'était vraiment le fun aussi. Ah, c'est lui qui a fait ça. Oui. Ouais. Oh. Oui, Hansel et Gretel, le over the top. Tommy Wirkola, je pense qu'il s'appelle. Ouais, c'est amusant. Fait cool. Que, c'est ça. Là, faudrait que j'y aille. Bonne nuit, Marc-André. Je sais pas pourquoi je suis content, Marc-André. Bye. Allô. Bye. Bye, Audrey. Merci à beaucoup. À la prochaine. Bye. Par contre, je pense que je vais être obligé d'être next à faire mon coming out du « Je suis fatigué ». Moi, je travaille demain, donc je vais faire un petit bout. Mais... mettons, pour conclure, moi, cette semaine, j'avoue que dès que j'ai eu un peu de temps, j'ai essayé de regarder un film qui était en sélection. T'sais, sinon, ben bon, je l'ai dit tantôt, j'étais allé voir Retour vers le futur 3, Party ouais. Western, organisé par Spass, mais McFly Event au Club Soda, c'était débile mental. Juste des vidéos en direct. Ah ouais, ouais. Il y a un petit extrait de vidéo en direct, mais j'avais pas pris la présentation, mais je l'ai partagé. Ceux qui m'ont allé voir sur ma page, j'ai partagé l'intro que vous avez peut-être pas vu encore ou ce qui ont refait une scène du film. C'était assez cool. Puis hier, ben, j'étais dans une église à Westmount avec une salle comble organisée par le Ciné Club Film Society où on a regardé Nosferatu de 1922 et en première partie, Le cabinet du docteur Caligari 1920, des films muets donc. Mais la musique était faite live par des musiciens sur place, donc percussion, violoncelle, piano, theremin sur le docteur de Caligari, puis ensuite de l'orgue Cassavant, l'orgue de l'église. C'était une soirée magistrale. C'était vraiment très cool. Puis sinon, je me suis tapé 31. Oh, on a parlé tantôt. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu encore. Ben, on a parlé de Rob Zombie tantôt. Je pense que ça reflète bien mon opinion en général. Bon, Steven, il accentue mon opinion. Moi, c'est un peu... j'ai vraiment été déçu. C'est son P avec Halloween 2. Je pense que si on aime voir du Rob Zombie, même si on n'est jamais complètement satisfait de ses films, c'est à voir, là, mais c'est... C'est pas comme Slashers de Maurice Devereaux, là. Moi, je trouvais ça demandait de ça. Genre, je te calise dans une zone et survie, puis t'as un paquet de freaks partout. C'est Running Man. Mais... C'est genre ça, mais en plus divertissant. OK. Puis je pense que c'est là de Maurice qui est plus divertissant. Là. OK. OK. Oh! Mais sinon, les autres films que j'ai vus, ben je donnerai pas trop de détails, mais parce que c'est les films qu'on va parler aux oubliettes cette semaine. Je continue mes critiques, ceux que ça intéresse, je continue mes critiques d'anthologie d'horreur avec Olivier. Cette semaine, oui. On va parler d'un film important pour les anthologies d'horreur. Puis c'est pour ça que j'arrêtais pas de le repousser, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Black Sabbath, 1963, de Mario Bava. Un film très important des années 60. Puis, ouais. Olivier, il avait hâte. Je pensais qu'il dit quoi, donc. Non, ouais, c'est vrai que c'est... Mais celui de Mario Bava, il est important, puis il y a vraiment un beau backstory intéressant. Sinon, moi, je vais... bon, lui, il n'a pas encore dit son film, je vais lui laisser la liberté de le dire ou non. Ouais, c'est un secret, ça. Si on parlait de... moi, j'appelle ça des Stranger in the House movies des années 70. Un film peut-être pas aussi important que Black Sabbath, là, on s'entend, là. Mais... écoute, je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis encore une fois, j'ai comme... 971. Ah, il donne des indices. Une actrice très importante. Qui Karen joue Black. En... Non. OK. Oh. Ah, yeah! Non, mais ouais, si vous cherchez un peu 71 actrices importantes, vous n'avez pas besoin d'autres plus d'indices, mais il faut quand même chercher. Va pas plus loin, tu vas le spoiler, Ali. Par contre, moi, je vais le dire, c'est quoi? Parce que ça a rapport au film que j'ai présenté cette semaine, donc The Deadly Spawn. C'est un film que j'ai hâte de parler. J'aurais aimé ça en faire la critique ce mois-ci, mais je veux pas le botcher. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de backstory, il y a beaucoup d'analyses. Je vais me le garder pour plus tard de Deadly Spawn, mais je me suis tapé un autre film de larve. je me suis tapé Slugs cette semaine, Mutation en français. Puis c'est pas un film parfait, mais un film vraiment trippant. Je vais en parler donc ce mardi aux oubliettes, si ça vous intéresse. Vraiment du fun. Super, sur ce, ben, merci beaucoup, c'était vraiment cool. Simon, avant que tu quittes, je voulais juste mentionner les spéciaux d'Halloween que tu présentes pendant nos 31 jours. Pour ceux qui les ont pas suivis, faut aller voir ça. Moi, ça a été mon remplacement pour Bunnyman Massacre parce que ce soir-là, j'avais pas beaucoup de temps et là, je me disais, c'est pas vrai que je vais aller écouter ce film-là. Donc, j'ai juste scrollé un peu dans le bas de la page et j'ai vu que ce jour-là, tu avais proposé Tales from the Far Side. Ah, j'aime tellement. Man, wow! Quelle cool, belle extraterrestre, hein? La fun! C'est le genre de truc que t'écoutes, t'es juste comme, ok, next. Ah, cool. OK, next. Attends, pendant que tu en parles, je vais aller chercher le livre d'où ça provient. Donne-moi un instant. Ouais, c'est ça, c'est juste un dessin animé. Je n'ai pas l'information qui l'a fait ou quoi que ce soit. Là. C'est Simon qui pourrait nous en parler plus. Mais c'est carrément... Je ne pourrais même pas dire combien de petites histoires qui peuvent durer des fois 30 secondes, 45 secondes sur un dessin animé qui en dure 20, 21 minutes. Et c'est juste des surprises. Des fois, on va prendre une histoire qu'on connaît déjà. Ils vont te la tourner un peu de travers. Tu sais, finalement, regarde, c'est ça. On voit la couverture. Ça me fait penser à un moment donné, t'as l'histoire du monstre de Frankenstein, mais finalement, c'est une vache. C'est juste n'importe quoi. Puis des fois, la référence, t'es pas sûr de la comprendre. Puis des fois, t'es comme, oh oui, ok, je sais exactement d'où c'est que ça vient. C'est vraiment hot. C'est un 21 minutes de surprise, puis de surprise, puis de surprise. C'est vraiment amusant. Mais je vais vous montrer pour comprendre un peu. Ça vous a aidé aussi à comprendre c'est quoi le style du dessinateur Gary Larson. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est des petites vites. Fait que c'est toujours des jokes de une case. C'est très rapide. Je sais pas si on voit bien, là. Mais c'est... Ouais, on voit bien. Chaque case est une joke, dans le fond, tu sais. Puis moi, ça a été longtemps mon livre de salle de bain. C'est toutes les petites cases de même avec une joke. Puis... Oh, c'est une black light là-dessus, hein? Oh, ouais. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Prête-nous-les pas, là. Prête-nous-les pas. Jusqu'à Archie. Mais c'est vraiment, je trouve qu'il y a une belle originalité. Comme il disait, il y a des fois, c'est des animaux. Il va utiliser beaucoup les animaux et les insectes comme des personnages dans ses concepts. Il va tourner au ridicule des scènes classiques. Puis, je pense à genre le monstre qui sort du garde-robe, puis il y a un petit gars qui apparaît dans son lit, puis il approche du petit gars. Finalement, le petit gars, il explose, puis il y a deux monstres qui sortent de nulle part, qui se mettent à rire de lui avec une boîte. Puis c'est genre Exploding Kid, puis tu sais, tu fais comme, OK, il s'est fait jouer un tour, c'est quoi cette affaire-là? Puis bon, on passe à d'autres choses, on te laisse pas le temps de te poser des questions. C'est gars, non, mec. C'est ça, c'est non-stop, c'est comme toutes des petites vites, t'as une séquence à un moment donné où ce que, OK, on prend une pause pour un épisode de Brady Bunch, tu sais, ou je sais pas, Brady Bunch. C'est pas de notre époque tant que ça, là, mais c'est une série d'humour sitcom où là, tu voyais donc, chaque personnage était dans une case à l'écran là, qui faisait le tour de l'écran avec un fond de couleur. Ça vient de Brady Bunch. Puis là, il nous présente de Brady Bunch remplacé par des cochons. Fait que là, c'est de Piggy Bunch. Puis là, c'est l'épisode de cette semaine. Mauvaise journée pour Laura. Puis là, tu vois juste une séquence de sa chambre où tu as un boa constricteur qui est en train d'avaler le cochon. Donc, Laura. Ça dure 3 secondes. Puis c'est tout. Revenez-nous la semaine prochaine. C'était ça la joke. Genre, c'est qu'un boa qui mange le cochon. Puis tu sais pas pourquoi. Il y en a des fois qui te laissent perplexe. Tu fais comme moi, j'étais pas sûr de celle-là. Puis c'est pas grave parce qu'elle a duré 25 secondes. Fait que finalement, tu passes à l'autre. C'est ce que j'aime. Là. Un peu comme des fois des anthologies où ce que tu fais comme OK, celui-là était moins. Ouais, et BC of Death, que tu fais comme ouais, celui-là était pas bon, mais c'est pas grave. On en a un autre. Après, on en a 26. Fait que c'est un peu ça que j'ai vu dans Tales from the Far Side. C'est des spéciaux d'Halloween que je partage. Si c'est pas des spéciaux d'Halloween, c'est des épisodes de séries télé sur le thème de l'horreur. Dans ce cas-ci, je vais souvent aller avec le premier épisode ou l'épisode spécial Halloween. Il y a plein de découvertes. Il y a des affaires qui vous plairont pas, des affaires qui vont vous plaire. Il y a de la nostalgie, il y a de la découverte. Have fun. C'est gratis. Ouais. Yes. Ben écoute, merci beaucoup Simon. Puis j'espère qu'on se reparle au prochain épisode spéciaux. On va essayer. Pour 31 jours. Bonne soirée, guys. Bye bye. Bonne soirée. Bye. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit m'abandonne. Ah, ben écoute, on est là. On est là. Sylvain, toi, est-ce que t'as dérogé les 31 jours? Ben écoute, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence, moi, les 31 jours, c'est sûr que je ne les fais jamais au complet parce que au début du mois d'octobre, il y a la nouvelle saison de American Horror Story qui débarque sur DVD, puis moi, c'est sûr que je me tape ça. Désolé. Mais j'ai commencé ça, mais je pense que ce serait plus pertinent que je vous en parle une autre fois parce que je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. C'est bon. Je comprends pourquoi les gens disent que c'est la plus faible, mais en même temps, je trouve ça quand même très bon. Puis c'est bien divertissant, puis je suis content de pouvoir voir Jessica Lange qui joue encore le même personnage. Oh my God, non! Je suis juste tanné qu'elle soit tout le temps là. Ouais, non, je comprends. Puis en fait, je suis surtout tanné. ça me dérangerait pas tant que ça si, comme dans la saison 1, c'était un personnage secondaire, mais là, dans les autres saisons, on dirait, ah, elle a gagné un élu, fait qu'on va, fait qu'on va pousser son personnage pour qu'elle soit toujours à l'avant-plan. C'est elle joue. Ouais. Moi, Meryl Streep, tu me dis, elle va jouer Batman, je vais aller le voir, je vais le voir. Pour vrai. OK? On va le voir, ce film-là. Je comprends ce que tu dis. La quatrième saison, j'ai vu. Freak Show. Ouais. Pour moi, selon moi, c'est la plus faible de toute la gang. Pour moi, Coven, c'était du bonbon, vraiment du sprinkle. J'appelle Coven du glaçage sur les petits muffins, là, les petits bonbons. Ouais. Parce que c'est Carrie the Craft. C'est. Moi, j'ai adoré Coven, en tout cas. C'est du bonbon. Ouais. C'est claque. Tu sais, quand tu regardes la première saison, qui est un petit peu plus. Le Shining un peu, qui est un petit peu plus sérieuse. Puis là, quand j'écoute la saison qui joue présentement, où je suis à jour, je parlais de le prononcer, là, Renoke, whatever. Ouais, c'est weird. J'ai écouté 4 épisodes à date, puis waouh, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils donnent... Tu sais, c'est le problème avec American Horror Story. Ce qui va se passer, c'est qu'il commence une série tranquillement, en tout cas au début tranquillement, il donne un paquet de personnages. Sarah Paulson va arriver, Lady Gaga est arrivée il n'y a pas longtemps, en dernière saison. Là, tu as une pause pendant l'hiver, pendant la période de neige. Là, le boom, ah, qu'est-ce qu'on fait? Ils finissent la série d'un coup sec, comme ça. Ils ont commencé ça dans Coven. Moi, j'ai remarqué que, OK, ça arrive abruptement un peu, mais le premier épisode, la dernière de la saison qui joue présentement, ça faisait longtemps que je n'étais pas comme creeped out un peu. J'écoutais ça comme, OK, qu'est-ce qui se passe, genre la forêt vivante ou qu'est-ce qui se passe? C'est bien ficelé. Fait que je ne veux pas trop te spoiler. Ouais, Sylvain. Moi, je les écoute en DVD, fait que je vais le voir l'année prochaine. Hotel, moi, j'ai bien aimé cette saison-là. J'ai bien aimé, puis je trouve, honnêtement, je ne suis pas un fan à tout casser de Lady Gaga ou whatever, là. Mais je trouve vraiment que c'est un rôle qui a été cousu pour elle. OK, c'est une Catherine Deneuve. Si tu l'as vu, toi, Jean-François, là, comme tu... Non, j'ai arrêté après Coven. Freak Show, je t'ai pas parlé. Ah, OK. C'est qui l'a vu la quatrième saison ici? La cinquième saison? Non, je suis en retard aussi. J'ai fini à Coven, puis après ça, j'ai pas continué. J'ai juste vu la première. Je viens de m'acheter des Asylum. OK. Ben, c'est un gros Shining meets The Hunger. That's it. OK. Ouais. Mais je te conseille quand même. Tu l'avais pas vu, Freak Show, Sébastien? Non, pas encore. Je sais que Jean-François, il l'a pas pantoute, là, mais moi, je te le recommande. C'est ma préférée après la première. J'ai regardé deux épisodes. Je peux pas dire que je l'aime pas pantoute. J'ai regardé genre deux épisodes, puis j'ai arrêté. Sauf qu'elle est beaucoup plus concise. Elle est beaucoup plus... OK, on va dans une direction, tout le monde ensemble, plutôt que de foutre n'importe quoi dans ta face tout le long. Il y a vraiment une ligne directrice plus précise, un peu comme dans la première saison. Puis, ça a été une de mes préférées. Ceci étant dit, avons-nous terminé sur American Horror Story? Ben, je pense que oui, mais c'est sûr qu'écoute, c'est le genre de truc qu'on pourrait... On pourrait débattre pendant des heures. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, puis je ne sais même pas si c'est pertinent d'en parler ici, mais je pense que oui. On va faire une loupe, puis on va revenir sur le sujet du tout premier film. Parce que j'avais bientôt, sur une autre chaîne, j'avais bientôt parlé de ce film-ci, Le deuxième? 8 mm 2. Oh, mais, God! Mais avant de voir ce film-là, je devais voir celui-ci. Avant de revoir ce film-là, je devais voir celui-ci pour la première fois. Et donc, j'ai vu. Vive-le pas longtemps. Puis. c'est ça. Donc, c'est Nicolas Cage qui enquête sur un snuff. Oui. Et puis, au début, on ne sait pas si. On ne sait pas si c'est vraiment un snuff ou si ça a été tourné. Puis. Donc, au tout début, Nicolas Cage regarde le film, puis il réagit, là, mais il réagit vraiment trop, mais c'est vraiment trop ridicule. Genre, à ce moment-là du film, il pense que c'est probablement un film de fiction, le gars, il arrive dans le film. Dans le film, le gars arrive, il fait juste gifler une fille, puis Nicolas Cage est là. Nicolas Cage, c'est un détective qui a probablement vu plein de cadavres dans sa vie. Il réagit de même. Écoute, c'est vraiment très drôle. Oh mon Dieu, je viens de voir un film de fiction où un homme gifle une femme. C'est ça, c'est ça. Lavez-moi les yeux avec du savon. Non, mais... C'est ça, donc il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment... Ben, c'est Nicolas Cage, là, à quoi on s'attend aussi. Mais j'ai trouvé ça bon. C'est un film réalisé par Joel Schumacher. Et je sais que je m'acharne à le défendre, mais franchement, je l'ai trouvé bien ficelé, ce film-là. Même s'il dure 2 heures, j'ai vraiment pas senti de longueur. Là. Moi, j'embarque dans l'enquête, puis j'ai pas mal trippé. Et puis, il y a des scènes un peu douteuse que je ne m'attendais pas nécessairement à voir. À l'époque, on l'a vu dans un... Ce film-là, il est passé dans les cinémas. On l'a vu sur grand écran. 18 ans. Ah, ouais. C'est assez intense, là, ouais. Le 2, que tu n'as pas vu encore. Non, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu avec Jonathan Schwarzach? Ça se prend en chèque. Chèche, OK. Chèque. Puis la fille qui jouait dans le film... New Best Friend, ou je sais pas trop quoi, la blonde avec la lèvre qui est un petit peu remontée comme ça. Laurie Irving? Oui. T'as de la porn dans le film. Pour vrai? Ah, vraiment? Dans le deuxième, t'as vraiment une scène de porn. Vraiment, tu vois. C'est graphique. Puis je suis comme, oh, OK. Puis c'est assez... Écoute, moi, quand j'ai vu ce film-là, je travaillais dans un club vidéo. Ça fait longtemps. Tu l'as pas mis dans le club? C'est ce que j'ai montré au clip vidéo. Je faisais jouer Requiem for a Dream en plein milieu de l'après-midi. Écoute, je le faisais le soir, mais Requiem for a Dream, je le faisais souvent au clip vidéo. Je m'en foutais bien raide de tout ce que je pouvais faire jouer, mais 8 mm 2, cette scène-là, j'écoutais ça, bon, OK, ouais, non, puis parce que lui, Jonathan Schultz, il est cute, je vais l'écouter. Mais quand j'ai vu la scène, c'est une scène de porn, vraiment, là. Je suis comme, c'est non, 16 ans et plus, c'est 16 ans et plus, puis c'est vraiment du... C'est pas long, là, c'est pas une scène... mais c'est de la porn, c'est vraiment... C'est explicite, là, la scène. Tu vois la pénétration. C'est entre deux filles. Ils sont comme sur un set, je me souviens bien, de film de cul, whatever. Les filles se lâchent assez solides, puis je suis comme, oh, OK. Là, je me souviens, j'ai repris la pochette. Tu sais, les pochettes que tu foutais dans des cossins plastiques. Yes. C'est 16 ans, genre, puis ils montent ça. J'en revenais pas. Fait que je l'ai fait jouer à un moment donné avec les vidéos en public un jour parce que je suis un troublemaker, genre, j'aimais ça, genre. Mais ça m'a surpris quand même qu'il y ait vraiment littéralement de la pornographie. T'es sûr que tu t'es pas trompé avec la version porno de 8 mm? Ouais. Non. Non, mais... C'était vraiment une petite mini-scène de lèvres, là. Moi, je me souviens pas de ça du tout, mais je l'avais déjà vu parce que je l'avais vu avant de voir le premier, en fait, parce que moi, je me suis donné pour mission dans la vie de voir absolument tous les films de Jonathan Cheek. voilà. Donc... Fait que t'as vu un couvre-lit à l'américaine? Non, puis j'ai pas vu That Thing You Do, honte à moi, mais j'ai vu aussi Mort Routier 2, alors que j'ai jamais vu le premier. Hey, couvre-lit à l'américaine, t'as Winona Ryder dedans, pareil. Mm. That Thing You Do, c'est bon. Ouais, puis là, en ce moment, il n'y avait pas d'en parler sur Twitter de That Thing You Do, parce que c'est le 20e anniversaire. C'est là, puis... un must. C'est un big deal. Mais ça, c'est très drôle parce que moi, 8 mm 2, je fais mon coming out là-dessus. C'est que c'est sorti à l'époque où j'étais encore célibataire. Alors, oui, je l'ai vu cette scène, Olivier. Pour vrai, le pire, c'est que je l'ai vu puis je m'en souviens plus en tout. Non. Je suis pas sûr que j'ai écouté le reste du film. Ouais. Je me souviens pas de l'intrigue. Mais ça fait quand mais... tu t'entends de voir comme un film comme ça, puis t'es comme, oh, OK, ça arrive. Mais, hein. Ouais. Mais, hein. Mais Sylvain, je suis d'accord avec toi que 8 mm, le premier, reste quand même. Je l'avais réécouté, je l'avais enregistré à la télé l'année dernière, puis je l'avais réécouté en me disant, bof, je suis malade, là, puis je vais juste écouter un petit film léger, puis j'étais comme, Colin, j'ai goût, puis je me rappelais plus exactement de la fin, excepté qu'il tombe son gazon, puis ce qui se passe. j'avais l'impression que c'était plus gros que ça, tu sais, je veux dire que c'était plus mal amené que ça, puis je trouve c'est quand même correct, C'est sombre, c'est dark comme film, mais c'est pas, quand t'approches le snuff, puis que c'est 18 ans et plus, puis au cinéma 18 ans et plus dans, c'est quoi, 1999 ce film-là, 98, c'est un big deal. Puis non, aussi, à la fin, juste la scène où Joaquin Phoenix fait tuer, qui est un petit peu incompréhensible, tu vois pas ce qui se passe. Tu vois juste celui qui gagne, tu vois pas, c'est comme, il y a tu sais quoi, ses gars sont-ils tombés, puis là, t'es comme, ok, tu sais pas c'est quoi qui se passe. Je m'attendais à pire un peu, mais c'est le sujet qui est un petit peu plus lourd. Je comprends pourquoi le 18 ans est plus dans ce temps-là. Surtout dans une grosse production, tu sais. Oui. Nicolas Cage, dans le temps où Nicolas Cage, c'est The Avengers. Avec Meg Ryan. Avant qu'elle soit défaite. Mais, ou des films, on va dire, dans cette même époque-là, où on va dire Girls Interrupted était sorti, qui était classé 16 ans et plus. Et que moi, je suis fasciné par ça, les films qui vont sortir à telle époque, qui sont classés telle cote. On va dire comme quand j'étais m'acheter ma version VHS de Anchor Bay de Phenomena qui était 18 ans et plus. Je me suis racheté la version DVD 18 ans et plus. Un paquet de versions après ça. Puis la version d'aujourd'hui, elle est 13 ans et plus. Puis Girl Interrupted, encore aujourd'hui, on va dire exemple, est 16 ans et plus. À cause du sujet, pas parce qu'il est montré. Tu sais, fait que si je me dis... 8 mm, je crois qu'aujourd'hui, 8 mm, il est soit 16 ans ou 18, 16 ans ou 13 ans et plus. Je ne sais pas si qu'il est 13. Avec le tag, là, qu'ils ont descendu la cote. Ah, fort possible, fort possible. Ça me fascine, ça. Mais tu vois, je t'ai travaillé dans un club vidéo, peut-être que c'est quelque chose que tu as remarqué, la cote québécoise versus canadienne. Juste ça, c'était vraiment surprenant. À quel point des fois quelqu'un pouvait venir me voir me dire hey, comment ça se fait que ce film-là il est juste 13 ans et plus, c'était horrible. Ouais. Puis là, je lui disais, même regarde la cote canadienne, genre elle était 16, quelque chose comme ça. Là. On était toujours moins sévère ici. On était chanceux, je pense, au Québec en tant que tel en général, parce que les films d'horreur, j'ai commencé à m'acheter quand j'étais très, très jeune. J'étais un enfant de l'horreur. J'ai eu des parents permissifs. J'ai eu un père qui avait une business à côté d'un club vidéo qui était ami, qui était un labyrinthe de films d'horreur. Fait que je louais ce que je voulais et on regardait pas ce que je ramenais chez moi. J'étais jeune, écoute. Le premier film que je me suis acheté avec mon argent de poste, 10$, là. C'est cher, là. C'est le Bal des vampires. Je me suis acheté le Bal des vampires. J'ai toujours ma copie chez moi. Mais Dawn of the Dead, les films italiens, La maison près du cimetière, non censurée au Québec, L'au-delà, non censurée, des films d'Argento, tout ce qui était italien très gore, c'était toujours non censuré au Québec. Ça venait de France, on s'entend, là, mais c'était pas censuré. Mais il y a des petits... Mis à part, on dit l'enfer des zombies là, qu'on connaît avec le splinter dans l'œil et tout, là. Censuré. Tu sais, fait que je pense que je vais faire mon avis une chronique par rapport à ça. Pourquoi ce qui est censuré, pas censuré? Mais au Québec, on était chanceux dans nos versions qu'on a reçues. Personnellement, moi, je trouve, les versions VHS qu'on a reçues au Québec, on était vraiment chanceux que ce soit non censuré. Ouais. Vicky parle sur le chat, puis elle commande ce que tu dis, puis elle a raison, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Question de langage dans la traduction souvent. La traduction va rendre un film très, très vulgaire, beaucoup moins vulgaire. Donc, des fois, en anglais, des sacres et tout ça vont faire monter une cote, tandis que nous autres, on aura beau faire des tabarnaks, on s'en fout, là, la cote ne montera pas. Là. Écoute, la cote du langage. Au Québec, en tant que tel? Oui. Souvent, la traduction, tu sais, je veux dire, le fuck rendu au Québec va être traduit souvent en merde ou en. En foutre, putain, en français, là, tu vois. En foutre. Au lieu de dire, what the fuck are you doing? Ça va être, qu'est-ce que tu fous, mec? On a au Québec, t'sais, on a. Tu sais, dans nos traductions, ça va devenir beaucoup moins vulgaire, tu sais. Même si la phrase est vulgaire, les mots utilisés vont l'être moins. Puis j'ai l'impression qu'à cause de ça, ça je suis sûr qu'il y a une partie de la cote qui baisse. Ben, tu sais, en tant que tel, même si ici, par rapport à nos traductions qu'on fait, ça reste du français qu'on essaie de faire du français à France. C'est pas du traduction québécoise, on va dire, à la Slapshot ou l'école de ski. La vigueur. What a shotgun. Tu sais, c'est ça, comment traduire ça en suivant les lèvres? On a reçu Hubert Gagnon des Simpsons à un moment donné, qui nous a bien expliqué à l'émission ce que tu peux pas dire, c'est que ça va sortir tout croche en tant que tel, la façon que tu vas le dire sur les lèvres. Ce sera jamais beau sur les lèvres. Non, il faut que tu restes quand même, puis. Même si on a beaucoup, beaucoup de traductions encore Québec, ça sort tout croche. Je veux dire, un motherfucking. Ok, faut que tu sois capable. Tu quelque chose qui fitte les lèvres. Ben oui, fait que non, je comprends là, mais au Québec, ce que Vicky, c'est parce que je vois pas exactement ce qu'elle a dit, là, mais. C'est pas une question de censure, je pense pas ici. Là. Non, pas nécessairement une question de censure. C'est vraiment juste que dans la traduction, on en perd de cette vulgarité-là. Mais non, je pense pas que tu as raison, c'est pas une question de censure, mais un peu comme l'exemple que Jean-François disait, fuck le fuck de foutre. Probablement que c'est pour les lèvres, ça va être plus beau, tandis que dire, je sais pas moi, un calice ou. Chier, ou je sais pas, ça sonnait pas bien, tandis que le foutre vient avec bien. Il se fait un match, tu sais. Va te faire foutre, fuck you, fuck you. Ouais, oui, je suppose, oui. Ouais, il doit sûrement avoir quelque chose comme ça, comme des automatismes, parce que ça va mieux sur la bouche, c'est sûr qu'on va utiliser ça, même si ça n'a pas le même impact. Le message est là pareil, donc on va le garder. Puis c'est sûr que nous autres sites, le personnage aurait bien beau dire « va te faire foutre », on fera pas comme « oh mon Dieu, mes pauvres oreilles! » Mais écoutez l'épisode du père Gagnon, c'est intéressant ce qu'il dit. De toute façon, c'est l'épisode que Steven était là, je pense. Ouais. Excuse-moi, Steven. Oui, c'est bien, c'est correct. C'est intéressant ce qu'il disait, quand même, tout ce qui s'est dit, les questions qui ont été posées. On essaie le plus possible. Il y avait Marc Lamotte qui était là, qui a beaucoup de questions tout le temps. C'était enrichissant quand même, mais je me suis, honnêtement, moi-même qui était là, il faudrait que je l'écoute, parce que je m'en souviens plus. Hein. Mais oui, cette question-là a été posée des sacs en tant que telle. Hey, Jeff, oui? Juste pour rejaser de film. Toi, oui. Qu'est-ce que t'as décroché? En fait, j'ai regardé un film dont le trailer m'avait beaucoup, beaucoup attiré, puis que j'avais oublié de regarder cette année, en fait. Juste passer par-dessus. Mais c'est Pride and Prejudice and Zombies. J'avais vraiment envie de le voir depuis que j'avais vu le trailer, parce que j'étais un gros fan de Lily James, l'actrice principale. Elle avait joué dans Cinderella l'année passée, puis elle a joué dans Downton Abbey, dont j'étais un gros fan aussi. Et j'ai jamais lu le livre original de Jane Austen. Mais j'ai vu des adaptations comme la mini-série des années 90 avec Colin Firth ou Bridget Jones, qui est une adaptation de ça aussi, en quelque sorte. Et donc, je m'intéressais à ce film-là, puis j'ai eu du fun, en fait. C'est pas un bon film de zombies. On s'entend, c'est vraiment pas un bon film de zombies. Le gore, puis tout ça, c'est... Non, les amateurs d'horreur n'ont pas tant de fun que ça. C'est du CGI tout le long, c'est mal fait, c'est pas très bon. Il y a beaucoup d'écrans verts, tout ça. Mais en termes d'adaptation de Jane Austen dans un monde d'horreur, je trouve que ça marche, je pense. Je suis pas un fan, comme je dis, de Jane Austen, j'ai pas lu son livre. Mais j'avais l'impression de voir un film de Jane Austen, j'avais l'impression de voir Pride and Prejudice avec des zombies. Puis c'est ce que le titre me vend. puis c'est ce que le film me donne. Fait que moi, j'étais satisfait avec ça. Je trouve que Lily James fait une très bonne job. Je trouve que Matt Smith, qui a été un des Doctor Who les plus aimés, fait une job incroyable dans un rôle qui est super comique. T'as Jack Houston, qui était dans Ben-Hur cet été, que j'ai pas vu Ben-Hur, mais je le connais pour Boardwalk Empire, puis ce gars-là, dans Pride and Prejudice, il est super bon, je trouve. C'est plein de bons acteurs. T'as Lena Headey, qui était dans Doomsday, qui est sous-utilisé, mais que tu vois que le personnage a du potentiel, puis s'il ferait une sequel, parce que la fin te vend une sequel, ben son personnage peut-être pourrait aller plus loin, ça serait intéressant. Fait que moi, dans l'ensemble, j'ai aimé ça, c'est beau, ça look comme film, il y a des beaux plans, puis tout, il y a du budget quand même, il y a beaucoup de figurants, beaucoup de... Tu sais, c'est tourné en Angleterre, dans des paysages... Il n'y a pas toujours des écrans verts, il y a des paysages aussi, puis c'est super beau, je trouve. Puis des beaux costumes, puis tout, puis je trouve que ça me donne ce à quoi je m'attendais. Il y a des femmes badass, il y a des hommes badass, c'est un costume, c'est un film de costume, film d'époque, puis il y a des zombies. Fait que moi, j'étais content avec ça, là, tu sais, j'ai rien à redire vraiment, tu sais. C'est pas un film parfait, mais j'ai eu du fun. Cool. Est-ce que quelqu'un d'autre qui l'avait vu ou Jeff est seul à nous le vendre? Moi, je l'ai vu pour un autre podcast, puis j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé? Mais tu connais la œuvre originale, toi, non? Sûrement. Pas tant. Tu l'as lu, non? Il a lu les trois traductions disponibles, puis il a choisi sa préférée. Mais au pire, si ça a eu un effet positif, c'est que ça me donne le goût de lire le livre. Fait que je l'ai pris dans la bibliothèque à ma blonde, elle l'a, puis je lis ici. Éventuellement. C'est pour vrai? Je lis ici. Mais c'est ça, ma blonde, elle l'a. Fait que j'ai... Il est là. C'est pas gros, hein? Non, c'est pas gros. J'ai pas lu. C'est le genre de livre que tu fais comment? Peut-être qu'un jour je vais lire, mais il existe. C'est juste là. Mais ça a été adapté 3 millions de fois. Regardes, c'est là que je la connais, l'histoire. Fais comme non, pas aujourd'hui. C'est ça. Mais en même temps, lire, je serais vraiment curieux de le lire. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ça me rebute. Là. Je me dis, il me semble que c'est tout ce que j'aime pas dans les comédies romantiques. C'est tout là-dedans. Je sais pas. Mais Sylvain, il me semble que c'est le genre de défi que t'aimes pourtant. Ben, j'écoute. Ah, là, oh! Tu sais, t'as fait des pages de notre famille. Ouais, mais tu sais, regarder un film, c'est quand même moins engageant que de lire un livre. Il faudrait vraiment que je me motive pour le lire. Ben écoute, on espère un jour que tu seras assez motivé pour le lire, puis tu vas nous faire un épisode 7e démenti, puis on va faire « Merci Sylvain de l'avoir lu, tu nous as fait une analyse incroyable. » Moi, j'ai qu'il me fasse une critique de Showgirls 2. Oh boy. Faudrait que je commence à Showgirls 1, puis il y a pas mal de stock. Showgirls 2, faudrait que je réussisse à finir de le voir pour une première fois. Ouais, ça dure 3 heures, c'est un bijou. Oh my god, man, c'est horrible. Mais j'en pense pas que t'avais fait une vidéo là-dessus, puis t'étais vraiment beaucoup plus vendeur que moi. La scène des diamants, hein? Ah, oh, c'est merveilleux comme film. Oh my god. Ils refont la scène de la piscine du premier, mais c'est oui, tu sais, tu fais comme, hey, t'es même pas foutu de faire autre chose sur la scène de la piscine. Oh god. C'est long. Hey, je vais y aller avec le film sur lequel j'ai dérogé, puis après ça, je vous propose qu'on va terminer l'épisode, mais on restera pour ceux qui sont live, puis on quittera quand on voudra quitter, mais au moins on aura un épisode qui sera calé. Moi, j'ai dérogé le soir de Halloween 2, et c'est justement Marc-Antoine sur le groupe des 31 jours qui avait dit « Pour ceux qui ne veulent pas écouter Halloween 2, je vous propose d'écouter Under the Shadow, film de 2016, film iranien. Rezek. Hein? Oh, la bombe qui arrive dans l'appartement. Ouais. Là, ce petit film que je pensais qu'il était Shelley quand on était voir. Anecdote, ok, hein? vite. Moi puis Steven, on était voir Shelley. Un film vraiment pas bon. Fantasia avec une femme enceinte avec un bébé qui gargouille dans son ventre non-stop, qui est un wannabe Rosemary's Baby, avec une scène de fisting à un moment donné. Moi, tu sais, quand je fais ma liste de Fantasia chaque année, que je note tout, je prends un petit verre, puis à un moment donné, mon écriture change. Il faudrait que je monte mon livre. j'étais sûr que le film que j'anticipais le plus, c'était celui-là, Shelley. Mais c'était celui-là. C'était le fait avec la bombe qui atterrit dans l'appartement, que quelque chose qui... Je ne l'ai pas vu. J'étais en... de ne pas l'avoir vu. Mais oui, tu viens de me rallumer. C'est le film que je t'avais dit, c'est pas Shelley. C'est ça que je voulais vraiment voir ces jours-là. C'était pas Shelley. M'excuse. Tu m'avais dit, voir Shelley, ça va être super bon. Sur celle-là, comme moins. Tu sais, mais ça, Olivier, ben toi, pas vraiment. Ah, ok, moi non plus. Tu sais, c'est... Qu'est-ce que c'est une scène de raccroche, non, toi, raccroche. Ah, moi, c'est ça. Tu l'es en premier. Ah oui. Aline. Mais donc, j'ai écouté Under the Shadow, qui est disponible sur, sur vidéo sur demande, Google Play, iTunes et tout ça. Et ça, je l'avais entendu parler, mais sans rien trop voir. Puis quand Marc-Antoine l'avait suggéré, il avait juste dit « c'est un Babadook » ou peu importe. Puis j'avais comme fait « ok, je veux pas le savoir, je veux juste l'écouter. Je vais écouter celui-là à soir, je me lance, je sais même pas que c'est un film iranien, tu sais. Je veux juste écouter ça. » Et, Colin, c'était vraiment bon. Quel bon film. C'était un bon film. Le contexte, là, que ça se passe à Téhéran, toujours dans le même bloc appartement. Une mère et sa fille. Hein? Excuse-moi? Un huis clos. Oui, oui, vraiment. Tu sais, avec les différents locataires que tu apprends un peu à connaître. La mère et sa fille. Le père est parti. C'est un médecin. Il est parti au front pour aider. Puis là, Steven, ta maman a vu que tu étais couché là. Là, il est trop tard. On finit bientôt l'épisode. Mais non, OK. Puis c'est ça, donc, en pleine guerre, dans les années 80, cette guerre qui a duré quasiment 10 ans ou plus, je me souviens plus des détails, et arrive cette bombe-là, justement, sur le building, puis, qui n'explose pas, finalement, mais qui semble avoir libéré quelque chose dans le building, et les gens commencent à se sauver, puis cette mère-là qui est comme confinée là avec sa fille, puis qui s'obstine à pas partir. Et oui, il y a un peu d'esprit de Babadook, de... Est-ce que cette mère-là et cette fille-là sont en train de sombrer dans une genre de folie où est-ce que la fille commence à raconter des légendes à la mère qui finit par dire « Non, non, c'est juste des légendes, mais oups, arrivent certains événements que la mère va commencer peut-être à associer à la légende et commencer à croire que la petite fille raconte des vraies choses. » Il y a vraiment des scènes qui m'ont tenu sur le bout de mon divan. C'est drôle parce que ma blonde m'avait dit « Je vais l'écouter avec toi », puis après 5 minutes, elle dormait, elle était crevée. Mais elle dormait à tête sur mes genoux, puis là, je faisais le saut, puis je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est comme Eric, rendors-toi. Mais j'étais sur le bout de mon siège. C'était vraiment excellent. Des très bonnes actrices, un bon suspense, un travail du son que j'ai pas pu aller chercher au bout parce que, bon, je l'avais baissé un peu, mais c'était vraiment bien. Peut-être la finale que j'ai comme fait, ah, ça se finit là. OK. Colin. C'est pas une mauvaise fin. C'est une fin abrupte que tu fais comme, ah. OK, tu as décidé que ça se finissait là. Bon, ben, écoute, je l'accepte, mais j'en veux plus. Ça m'a vraiment diverti. Et là, il va falloir que je le revoie. Mais parce que beaucoup de références ont été faites à Babadook là-dedans, ça n'a pas le petit esprit, comment dire, esthétique de Babadook, qui avait un peu ce monstre-là, tout ça. Ce qui fait en sorte que peut-être que visuellement m'a moins intéressé que Babadook, mais je pense qu'en bout de ligne, tous ces thèmes qui ont été mis dans le film, la guerre, la place des femmes, c'est le fait que cette femme-là se sent toujours rabaissée par les hommes autour, tu sais, c'est fou, là. Le fait que cette ville-là est en pleine guerre, écoute, il y a eu un missile qui a failli exploser sur son building, tu sais, le monde fuit, mais un moment donné, pendant la nuit, elle fait juste se sauver en courant de son appartement, puis elle se fait arrêter parce qu'elle n'a pas son voile. Mm-hmm. La police l'arrête, puis c'est comme, mais voulez-vous bien colisser patience? Elle a tellement d'autres choses à vivre, tu sais. C'est vraiment intéressant comme film. Mais c'est ça, le contexte, la petite métaphore, les scènes d'horreur sont vraiment efficaces, mais c'est ça. C'est à voir. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai hâte d'y redonner une autre chance. Pas d'y redonner une autre chance, mais plutôt d'y redonner un autre visionnement pour voir qu'est-ce que je vais y redécouvrir dans ce film-là. Il y a sûrement ce film-là passe des messages puis est une belle métaphore, je suis sûr. Le même si on décide de ne pas l'écouter pour la métaphore, c'est un film divertissant, tout simplement. Il a été sélectionné aux Oscars pour la section oui. Film étranger. Oui, pour UK, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est okay. Leur film pour les Oscars. Je suis pendu, suis pendu depuis. Mais là, tu viens vraiment de lever la barre, Sébastien, encore plus. Il y a 100% sur Rotten Tomatoes. Puis de ne pas m'avoir dit spoilers ou rien. Puis c'est ça, c'était une erreur. C'est le film dans les trailers que j'ai vu cette année que j'anticipais le plus. Mais que je me suis trompé avec Shelley. Mais j'étais là pareil. J'étais là, puis on est sorti, je suis comme, mais allô, on va aller manger une autre après. Mais, tu peux pas réparer un Shelley, Steven. Ouais. My God. Mais avant de quitter vite, parce que je vais aller me coucher bientôt, là, moi, le film que je veux pousser tout le monde à voir cette année. Tu sais quel film j'ai parlé, Steven, que oui. Tout le monde a manqué, c'est dommage. C'est un film qui a été présenté à Fantasia cette année. Il joue à 3 heures. C'est un film que j'ai vu une image, je trouvais ça beau visuellement. J'étais le voir. Une image, il n'y avait rien. Et je suis sorti de là, waouh, j'en revenais pas. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année à Fantasia. Pour Steven, c'est The Wailing. Moi, il est number 2. Number 2, The Wailing. Number 1, c'est le mien après ça. The Eyes of My Mother. Oui, je l'ai vu passer beaucoup. Ce film-là, je m'attendais tellement à rien. Visuellement, c'est un noir et blanc très bien recherché, l'éclairage, cinématographie. C'est un petit jeune de 26 ans. Il y avait 25 ans qu'il a fait ça. Quand je suis sorti de la salle, j'étais avec des programmateurs, j'étais comme, on vient-tu te voir ce qu'on vient de voir? C'est pas un film qui est très explicite visuellement en violence. Oui, quand même, c'est le sous-entendu, c'est les mises en situation qui sont tellement cruelles que j'étais comme, waouh, tu sors de là, sale, malaisant. Je suis revenu chez moi, j'ai recherché l'actrice qui joue dans le film sur Facebook, je l'ai trouvé. J'ai dit, oh my God, j'ai vu ton film aujourd'hui, je t'aime. Au lieu de freaking, elle dit, je savais pas que mon film jouait à Fantasia. Tu sais. J'avais aucune idée. Puis, j'étais vraiment bonne. Comment le monde aurait. Elle avait aucune idée. Tu sais. Fait qu'on a comme créé une mini relation. Elle est super fine, hyper open. Elle va répondre à vos questions. Je vous le dis, cette année, en 2016, c'est un, personnellement, moi, je crois, le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, c'est The Eyes of My Mother. Tu peux pas sortir de ce film-là, même si c'est pas un film parfait, qui est pas hyper professionnel, c'est pas cheap. Ce que vous allez voir, c'est très beau, c'est très bien dirigé, l'acting. Vous allez ressortir de là un petit peu... c'est un film qui va te rester dans la tête une couple de jours après. Le lendemain, quand on se réveille, moi, j'aime ça les films qui me font ça. Hein, qui sont capables de me perturber pour me lever le lendemain et que j'en reparle à tout mon entourage. Steven le sait, j'en ai parlé pendant des semaines de ce film-là. J'arrêtais pas. Oui, mais... tout le temps. Vous devez voir ce film-là. Vraiment, allez liker la page, commandez-le, allez voir sous vidéo on demande le 2 décembre. Ou achetez-le si vous avez une bonne télé, en Blu-ray, whatever, c'est sublime, même si le contexte de ce qui est montré à l'écran n'est pas du... c'est contraire. Okay? Il y a le cauchemar de beaucoup de personnes qui pourraient apparaître dans ce film-là. C'est mon chef-d'œuvre de cette année. Mais oui, écoute, je l'ai vu passer beaucoup, puis j'ai vraiment hâte de jeter un œil. C'est pas la bande-annonce. La bande-annonce qui est passée, l'actrice, ben, Kika, finalement, m'a écrit « Comment tu trouves la bande-annonce? » Je l'aurais pas fait comme ça, moi, personnellement, mais ils montrent rien dedans. Et c'est correct d'un côté. C'est pas un trailer qui était bien montré, bien monté, je veux dire. Mais c'est correct qu'ils montrent rien dedans, qu'on sait rien. Mais waouh, hey, ça faisait longtemps que je n'ai pas sorti sur un film d'une salle comme Exemple, bon, quand j'étais voir Don't Breathe, où j'ai croisé pour la première fois à Sylvain, on s'est croisé, il me dit « Hey, allô, Olivier? » Moi, j'avais encore les jambes molles. Puis, oui, calvaire, c'est moi qui étais insensible, genre, j'ai rien senti. Tu sais, j'ai trouvé que c'est un très bon film. J'aime beaucoup l'actrice qui joue dedans, qui jouait dans le remake d'Evil Dead, qui va percer mon d'année. Une similaire d'Emma Stone, si on veut. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Sur celle-là, je suis comme, bon, ben, c'était correct, mais bon, je sais pas, ça m'a pas, j'ai pas été sur Edge of My Seat, puis je voulais tellement, là, je voulais tellement chier dans mes bas, genre, être nerveux. Puis, Years of My Mother, tu te sens mal de regarder ce film-là. Tu te demandes, est-ce que, tu sais, comme je suis autorisé de regarder ce que je vois, est-ce que je serais censé regarder ça? Genre, c'est malaisant. Je vous le dis, là, puis je vous overhype au bout. Ouais, là, c'est genre, ça, là. Je vous le dis, pour un premier film, wow, il y a beaucoup. C'est un film, pas trop en dire, mais comme qui est inspiré, on va dire, de Main, Répulsion, les femmes psychotiques. OK, on s'entend, là. Si c'est Tour de force, un petit bijou, là. C'est un petit bijou cette année. Je vous dis, si le film vaut 25$, vous allez au Archambault, whatever, payez 25$. Ça vaut la peine. C'est sûr, je vais l'acheter. Ouais, Steven, on t'aurait dit. Ouais, non, ça. Steven, achète pas ça, fais attention. Jette pas là-dessus, tu l'aurais acheté. Achète Spice World et l'aurais acheté. Ah ouais, c'est ça. Fait que sur le chat, Steve Hutchison demande pour chier dans tes bas, que tu voulais chier dans tes bas en voyant Don't Breathe, oui. Pour chier dans tes bas, est-ce qu'il faut que tu les portes sur tes fesses? il y a tout le temps une paire de bas dans ses bas. Ouais, c'est ça. Par rapport à Don't Breathe, ben, je m'excuse. Je te dis, j'ai pas eu peur. Pas que j'ai pas eu peur. Il y avait de la tension. C'est un très bon film. C'est super bien réalisé. Cinématographie, les couleurs, tout, c'est super beau. J'ai beaucoup. Don't Breathe est un des meilleurs films d'horreur, suspense que j'ai vu cette année quand même. J'ai adoré ce film-là. Est-ce que je m'attendais à plus? Oui, j'étais peut-être un petit peu trop overhype parce que je le savais depuis longtemps que ça se faisait. Je me suis moi-même auto-overhypé. T'sais, j'étais le voir au départ. Mais non, ça m'a fait beaucoup penser au sous-sol de la peur. En moins bon. Excuse, mais c'est ça. Comme je disais, on va clore l'épisode, mais on peut rester en ligne si on veut. Écoute, d'habitude, on a comme une façon de faire pour clore l'épisode. J'y vais improviser. Restez horreur. Non, ben non, je pense qu'on va faire ça mieux que ça, Sylvain. Regarde. Non, premièrement, je voulais remercier tout le monde qui était venu, toute la gang. Merci, ça a été vraiment trippant. J'étais un petit peu nerveux la soirée avant de commencer. J'étais comme, comment on va manager ça finalement? Ça s'est passé comme un chef, c'était super. Je suis même content, JF, t'auras pas tant de montage et de trucs à enlever que ça, c'est super. Je remercie le monde qui sont venus live sur le chat. Regarde, il y a encore 13 personnes en ligne qui nous écoutent. Ça, c'est génial parce que même si on a fait des lives de temps en temps, ça n'a jamais été aussi populaire que ce soir. Vraiment, puis écoute, je ne sais pas combien de messages qui ont pu être écrits pendant ce chat-là, mais les gens avaient des choses à dire. Ils jasaient entre eux autres autant qu'ils jasaient à nous. C'était génial. C'est juste Vicky qui n'est pas un peu n'importe quoi. Oui, qui était. Bon, je regarde, ben Vicky, Vicky je pense qu'il peut faire ignore. Non, je crois. Elle est toujours impertinente. Mais... Oui, tu. Je check non, c'est chouette film pour les 31. Tu es bonne humaine. Mais non, puis ce que je voulais dire, c'est. Tommy? Hey, Tommy! Tommy Boy! Tommy Boy, notre boss sur le Patreon qui donne son 5$ à tous les mois et qui a décidé d'avoir son shout-out à lui. Donc, shout-out Tommy à toutes les fois. Donc, puis pour ceux qui nous disent, hey, c'est bien génial, comment ça se fait que vous ne faites pas des lives plus souvent? Mais on en fait à toutes les fois des lives, c'est juste qu'habituellement c'est exclusif aux gens du Patreon. Donc, pendant le mois d'octobre, on va vous donner des lives comme ça. Mais après ça, ça va devenir exclusif au Patreon. Donc, on espère que ça va vous donner le goût par la suite de devenir nos boss, parce que c'est le même qu'on vous appelle, et encourager Horreur Gamer à toujours plus grandir. Et merci de partager, de participer au 31 jours. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et ben sur ça, je vais faire mon tata habituel à tout le monde. Alors, Sylvain, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Bonne nuit. Olivier, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne bye, soirée. Bye, Sébastien. Steven, merci beaucoup d'avoir été là. Et bye, bye, Jean-François. Merci bye beaucoup. Bye. Et à tout le monde, je dirais, gardez ça horreur. Just us girls.